Bon, je pense qu'on est ready. On est-tu ready, tout le monde? Oui. Ouais, ouais, ouais. Comme Francis. Comme Francis. Bon. J'ai compris ta joke poche, Blob. Je fais cette blague à chaque fois que je joue à Hots avec du monde. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. C'est inacceptable. Puis la moitié du monde ne comprenne pas parce que... Je sais pas. Ils savent pas c'est qui Francis Reddy? Il existe encore? Parce qu'il capote parce que tu t'appelles Francis. Mais oui... Il existe encore? C'est ouais, bon, c'est... j'ai jamais eu comment c'était qui. En fait, oui, non. Tu vas ta langue. Ouais, non, il était à la première chaîne de Radio-Canada, je pense. Il y a une ouais, émission, c'est ça, il animait, voyons, bien dans son assiette, je pense. Ouais, mais il a aussi animé, on n'est pas sorti de l'auberge à la radio comme le samedi, genre. Mais pourquoi je fais ça, moi? Nous sommes le jeudi 4 novembre 2018. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 210. Je suis Narf. Je suis Blob. On y dit-tu que c'est le 4 octobre et non le 4 novembre? C'est le 4 novembre? Ouais. Ouais, je voulais allô, dire que c'est le 9 octobre. Mais j'étais trop excité. Je suis trop énervé à soir. Alors, à soir, on est justement beaucoup trop énervé pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on a juste une vie à 5 ans. A eu 5 ans le 1er octobre. Ben ouais! What? C'est vieux, ça. Ouais, on est rendu vieux. C'est rendu les noces de quoi à 5 ans? C'est les noces de... Quelque chose de fer blanc, je pense. Quelque chose de poche. Faites comme si vous n'entendiez pas les frappes de clavier pendant que je l'écris sur Wikipédia. Ben d'accord. Ah oh, merde. Ça. De bois. De bois? Ouais. Ah, de clavier. Eh bien, des oh, joyeux bois à tous. C'est mieux que 3 ans, là. 3 ans, c'est les noces de froment. De froment? C'est comme du fromage, ça? Non, c'est une sorte de blé ancien. Ouais. C'était donc le segment bouffe de On a juste une vie. C'était ouais. Critical en passant. Eh bien, pour célébrer nos noces de bois, je bois à votre santé. Mais pour célébrer pour de vrai, et c'est pas du tout une coïncidence. OK, c'était une coïncidence. On a aussi un invité ce soir. Bonjour, André. Bonjour. André, allô. Qui travaille au studio Cardboard Utopia. C'est ça. Sur le qui ont fait le jeu Children of the Zodiac. Non. Non. Children of Zodiac. Il n'y a pas comme de. Passe. Exact. Je vais l'enlever. Je l'ai écrit sur la feuille de route. Oh mon Dieu, j'avais même pas remarqué, tu vois. J'enlève le 2. Children of Zodiac. Je l'ai tellement entendu souvent avec 2 que je le voyais puis il n'était pas là. Je l'ai vu tellement souvent, on l'a corrigé tellement souvent aussi, mais ça fait partie de la game. C'est un nom bizarre. On l'assume. Je trouve ça plus beau comme ça. C'est très JRPG inspired. Children. Mais ça paraît, je me sentais un petit peu dans un jeu de la série Tales. Il y a comme une inspiration avec les skits sur la map, si on veut. Ouais, on cache pas trop nos influences. C'est très bien comme ça. Donc, André, est-ce que tu veux te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, absolument. Ben, c'est ça. Moi, c'est André Boutin. Je suis studio manager chez Cardboard Utopia. En fait, je suis studio manager où mon titre officiel, c'est gestionnaire des opérations, des affaires et des communications. C'est un nom long de même. Mais en gros, je fais tout ce que les développeurs ne veulent pas faire. C'est ça, ma job. Fait que c'est tout ça qui est écrit sur ta carte d'affaires, tout ce que les développeurs ne veulent pas faire. Presque. Ça serait peut-être moins long. Mais oui. Fait que, ouais, Children of Zodiac. Là, il va falloir que je fasse bien attention de ne pas mettre de deux tout le long du podcast. Tu sais que sa production, souvent, on l'appelle Cause aussi. Fait une petite abréviation. O-Z. C'est facile, ouais. Puis pourquoi vous l'appelez de même? Est-ce qu'il y a une raison ou c'est Just Cause? C'est Just Cause. Just Cause, c'est autre chose, par contre. Oui. Ouais. Mais c'est l'acronyme. Ouais, c'est ça. C'est juste parce que c'est plus facile, ou des fois on va dire Children, mais c'est parce que Children of Zodiac, c'est un mouthful, comme on dit. Fait que, peux-tu nous présenter le jeu un petit peu? Parce que nous, on a tous joué, au moins un petit peu. Mais c'est pas tout le monde qui... On en a déjà parlé. Combien de fois qu'on en a parlé? Plein de fois. Mais ça fait un moment, par exemple. Je pense qu'on en a parlé, surtout quand il est sorti. Mais là, ça va être intéressant parce que là, on va avoir quelqu'un du studio qui va faire une présentation, qui va nous le présenter comme de vue de l'autre côté. Mm-hmm. Du côté marketing. Yes. Ouais. Pitch plancher. Ouais, oui, un pitch plancher. Oui, Children of Zodiac, c'est un RPG tactique avec des cartes à collectionner puis des dés personnalisables. Donc, c'est un jeu de stratégie. Puis, c'est un jeu, en fait, qui s'inspire beaucoup des RPG tactiques classiques de l'époque PlayStation 1 et tout ça. Mais le système de combat puis le système, la progression, en fait, du jeu s'incarne dans les cartes et les dés. Donc, on a pris un jeu vidéo classique puis on a pris du tabletop puis on a tout mélangé ça ensemble. Oh man, mm-hmm. On pourrait faire une joke comme on a fait la semaine passée avec Apple Pay, mais on le fera pas. I got RPG, I got tabletop. Mais lequel joke? Children of Zodiac. Ouais, parce que mon cerveau l'a effacé. C'est toi qui l'as fait! Non. Oui! Pour vrai? J'ai fait le montage hier, pas du tout en retard. Mais donc, la nature même du jeu fait que ça serait difficile de faire une version tabletop. Il faudrait des dés où est-ce qu'on pourrait comme effacer les facettes puis réécrire dessus. Ah, mais on a parlé d'un jeu comme ça l'autre jour, non? Oui, il y a un jeu, je me rappelle plus du nom, mais il y en a un qui ont mis des petites faces que tu peux comme clipser dessus. Mais je suis vraiment contente que tu dises ça, en fait, parce que c'est un genre de commentaire qu'on a eu souvent, ça, ah oui, mais tu sais, pourquoi en faire un jeu vidéo si c'est un tabletop? Mm. Puis le but vraiment avec Children of Zodiac, c'était justement de, oui, d'aller prendre des influences de tabletop, mais de faire un jeu qui, ultimement, est un jeu vidéo. Puis oui, le fait, les dés personnalisables, c'est quelque chose qui s'incarne vraiment plus facilement dans la plateforme jeu vidéo. Puis après, il y a tout le côté JRPG qui est aussi assez très typique là, de l'interactivité puis du jeu vidéo. Donc, effectivement, c'est un jeu où tu joues avec des cartes puis des dés, mais ça se ferait pas nécessairement facilement en carton puis en papier. Ben, ça coûte... Je veux dire, c'est le jeu que j'avais parlé, c'était Dice Forge. Oui. Ah oui, c'est ça. Exact. Les dés, c'est comme... Quand t'enlèves les faces puis tu regardes, c'est comme c'est un peu comme des Legos à l'intérieur. Ouais. Ça doit être quand horrible. Tu les assembles... Comment? C'est ça. Ça doit être horrible. Tu dois perdre des petits morceaux. Tu dois en avoir partout chez vous, marcher dessus, tout le temps. Mais ils donnent... Non, ben, ils ont pensé. Je pense qu'ils ont prévu le coup. La boîte est comme une grille. Puis là, tu les snaps dedans, puis tu les places toutes. Puis il y a comme un petit truc que tu pour le rabattre, puis un élastique pour pas que ça brasse dans la boîte. Ah, ouh, OK. Ils ont réellement pensé à ton concern. Ils ont bien fait ça. Fait que Children of Zodiac, c'est un jeu avec narratif et tactique comme Final Fantasy. Moi, ma référence, c'est Final Fantasy Tactique. Ouais, mais on n'en parle plus de ce jeu-là. Non, c'est pas vrai. c'est sûr que Children of Zodiac, c'est très influencé par des jeux comme Final Fantasy Tactics, mais comme Shining Force. Oui, puis on le prend avec plaisir, là, parce que on est un peu un successeur spirituel. C'est juste qu'on a une relation un peu particulière, puis ça, c'est quelque chose dont on peut parler éventuellement si ça vous intéresse, là, mais un an après la sortie du jeu, en fait, on s'est rendu compte que quand tu sors un jeu indie d'un petit studio qui n'est pas nécessairement connu, faut faire très attention avec mentionner des jeux mythiques comme Final Fantasy Tactics, tu sais, qui est un jeu qui a tellement marqué les gens. Puis souvent, nous, on s'est rendu compte pas longtemps avant la sortie, puis après la sortie, qu'il fallait faire bien attention à faire la distinction, tu sais, à dire oui, on s'en inspire, oui, c'est une lettre d'amour à ce jeu-là, mais c'est pas la même chose. C'est sûr. Puis tu sais, c'est un jeu indie. Pour faire un jeu comme Final Fantasy Tactics, ça nous aurait pris un budget, une équipe, tu sais, du triple. Puis nous, on a eu la chance quand même d'être publié par Square Enix Collective. Ouais. il porte le nom de Square Enix. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand on est arrivé avec ce beau jeu shiny-là, un nouveau jeu tactique, tout ça, puis ça se ressemble, puis tu sais, c'est sûr qu'on a des influences, puis tout ça. Fallait quand même clarifier des fois que, tu sais, il n'y a pas... Children of Zodiac, comme je disais tantôt, le combat, tout s'incarne dans les cartes puis les dés, en fait. Tu sais, c'est ça la mécanique, c'est ça l'innovation. Il n'y a pas de job, il n'y a pas de... Tu sais, ton party est quand même réduit. Tu sais, c'est quand même un jeu indie, là. C'est pas un jeu qui a tout le breath de Final Fantasy. Mm-hmm. Un jeu focus. C'est ça. Mais on est super content de le recevoir, ce compliment-là, parce que c'est sûr que, tu sais, c'est une de nos grosses inspirations, là. Ouais, puis c'est mais comme... Mais ils en font pas d'autres! Non, je sais. Excuse-moi. Mais c'est ça, ils en font pas d'autres, Final Fantasy Tactics, fait que, tu sais... Ben, c'est ça. Vrai? C'est vraiment bien. Ben oui, ils en ont pas fait depuis 3000 ans, là. Ils ont fait sur DS, il y avait Tactics Advance puis Advance 2. Ouais, mais ça doit faire 10-15 ans là, qu'ils en font plus. Là. Et là, avec la Switch en plus, ou même les jeux de téléphone, il me semble que ça serait tellement approprié. Mm-hmm. Ben oui, écoute, nous autres, on attend juste ça, là, qu'ils nous appellent Square Enix et qu'ils nous demandent d'en faire. faites la sequel. Faites Final Fantasy Tactics 4. Ouais. Ou le 3, je sais pas. Ouais, Advance. Ouais, c'est ça. Advance 2.3, quelque chose. Ils ont tout le temps des X, ils ont tout le temps des noms un peu compliqués pour leur sequel. Mm-hmm. Ouais. Ah oui. Ben, ah oui. C'est pour ça. Pourquoi vous n'avez pas appelé ça Children of Zodiac 2. Prime of the Secret Legend truc? Écoute, on trouvait qu'on était déjà pas mal avec notre Zodiac. Puis tu sais, c'est un peu, grammaticalement, c'est un peu weird, là. Comme tu disais tantôt, on a envie de dire Children of the Zodiac. Mais ça, c'est aussi un peu un callback aux jeux japonais qui ont des titres, des fois, qui ont comme, tu sais, qui sont grammaticalement un peu étranges ou qui vont... puis tu sais, Zodiac, on s'entend que ça rappelle beaucoup ce genre de truc-là. Fait qu'on se dit, on va pas le overkill. On va garder ça pour le sequel. C'est ça, exact. Oui, c'est ça. Ouais, je te dirais pas le nombre de fois. À chaque fois qu'on en parlait dans l'émission après ça, il fallait que j'aille googler comment ça s'écrivait. J'étais comme, c'est-tu Children? Y a-tu un S? Zodiac? Il doit avoir un Y là-dedans. Non, y a pas d'Y. Ça doit être un K. Non, y a pas de K. On essaie de le garder simple quand même, tu sais, c'est proche du Zodiac, c'est juste avec un R. Puis tu sais, un truc, tu parlais de marketing tantôt, puis de voir les choses de l'autre côté de la médaille. Mm-hmm. Juste ce mot-là, c'est un avantage quand même parce que ça devient reconnaissable. Tu sais, il y a personne qui a Zodiac comme nom dans son brand. Fait que même si on est un petit... Tu sais, si tu cherches puis tu te rappelles qu'il y a un R, ce qui est généralement le cas, tu vas finir par nous trouver, tu sais, c'est pas... C'est vrai, c'est Zodiac, mais avec un R. Ouais, c'est ça. Est-ce que, je me souviens plus, dans le jeu, c'est l'espèce de gant qu'elle a, il me semble? Mais c'est toutes les reliques, c'est ça? C'est exactement ça. Le Zodiac, c'est en fait dans l'univers de Children, puis en fait des jeux qu'on fait, parce que c'est un univers qui est plus développé que ce qu'il y a dans Children of Zodiac, quand même. Mm-hmm. C'est le Zodiac, c'est le... Ben, en fait, ça réfère à différentes choses, là, mais ça réfère à ce qui donne de l'énergie, finalement, aux armes. C'est comme une sorte de pierre ou de cristal, si tu veux, mais par défaut, on appelle les armes puis les reliques, les Zodiacs aussi. Donc, c'est ces outils-là, en fait, ces armes-là qui ont été redécouvertes, en fait, qui viennent de temps anciens puis de temps lointains, qui ont été redécouvertes puis retravaillées. Donc, le Gauntlet, c'est effectivement une partie de Zodiac's Weapon. Yeah. Mais il y a un personnage dans le jeu qui, tout entier, est lui-même un Zodiac aussi. Ooh. Ah, c'est vrai? Ben oui. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Ah, oh, c'est bien. Il est tellement cool. Et oui, toi, t'es rendu assez loin, tu l'as vu. Oui, c'est zéro. Je t'apprends farmer, là. Je vous ai pas. Quoi, t'es en train de jouer là? Oui! Oh my God! Multitask! Ah oui, il n'y a pas d'histoire, là. Je fais juste faire des escarmouches. C'est vrai ce que Nard disait, que ça pourrait bien marcher, un truc comme ça sur mobile. Surtout, je pensais à la mécanique des dés, tu as juste à brasser ton appareil. Oh! Ah, ça, j'aime ça. Ça, c'est un truc que j'aimerais ça apporter, là. Je trouve ça tellement cool. Juste, même avec la souris, puis tu sais, avec la souris, c'est un peu niaiseux, là. Tu fais juste genre tchic-tchic avec ta souris, mais j'aime ça. Ouais, j'apprécie. Ça, c'est quelque chose qui était très voulu, en fait, des développeurs, là, l'idée d'avoir quelque chose de physique. En fait, une des choses que Jason disait depuis le début, quand on avait commencé à prototyper, c'est qu'il voulait répliquer cette espèce de petit rituel qu'on a quand on brasse les dés. T'sais, tout le monde brasse les dés d'une façon un peu personnelle, si on veut. Donc, on voulait essayer d'arriver à quelque chose comme ça. Ça s'est incarné dans la souris. On aurait voulu aller un petit peu plus loin avec les contrôleurs, les choses comme ça, mais c'est vraiment pas facile. Puis ça, même... ça marche comment avec le contrôleur? Ah, ben... C'est avec le joystick. Okay. On aurait voulu le faire avec, en utilisant le gyroscope. Là, je dirais kudos à l'équipe parce que j'ai juste branché la manette de Play 4 puis automatiquement, sans rien paramétrer, sans rien faire, juste brancher, ça fonctionnait. Ouais, je pouvais lancer mes dés avec mon joystick. Notre programmeur, il a travaillé fort. Bon, on avait la chance d'avoir un programmeur qui avait beaucoup d'expérience sur l'équipe quand on a fait Children of Zodiacs. Là, puis, il a rendu ça vraiment en tête. Hein. Puis même la vibration marchait. Je suis pas capable de l'activer dans, par exemple, Monster Hunter World, où je me serais attendu que ça se fasse tout seul. Puis non, ça le fait juste dans Children. Yay! Ça prend des studios indie pour programmer des manettes comme du monde. C'est vraiment cool. Le jeu, il est sur quelle plateforme là, en ce moment? En ce moment, il est sur Steam, sur GOG, puis sur PlayStation 4. Puis, je peux pas en dire beaucoup, mais il y a des choses qui s'en viennent. OK. On est en train de travailler sur des développements. Là. Ça, je pose la question parce qu'on s'était parlé l'autre fois, puis j'étais comme... J'aurais aimé ça avoir quelque chose de plus solide à dire, mais c'est un peu difficile parce que c'est ça, en fait, pour différentes raisons, le travail de développement, on n'a comme pas pu le faire. Donc, on a fait de la maintenance sur les plateformes sur lesquelles le jeu était sorti, tu sais, 2-3 mois après la sortie. Après ça, il y a comme une période pendant laquelle on n'a pas pu travailler là-dessus. Puis là, on est recapable de faire ça, mais comme on a des ententes avec des éditeurs, on peut pas non plus tout annoncer comme ça, tout le temps, même si on aimerait bien, mais on le tease un peu en disant « gardez les yeux ouverts ». Oh, cool! C'est dommage, on va devoir vous réinviter à ce moment-là quand il va y avoir plus de solide. Quelle tristesse! Ah non! Ça a pris combien de temps pour le développement de tout ça, là? Après un gros 3 ans, ça dépend à partir de quand tu calcules, en fait, parce que c'est sûr que la particularité de Cause pour nous, c'est que ça a été le premier jeu du studio, donc on a, c'est l'histoire du projet puis du studio ont comme été vraiment intimement liés. Donc quand le studio est parti, en fait, Jason Kim, qui est le fondateur du studio, a parti son studio en 2014, ça faisait déjà longtemps qu'il cogitait son idée, en fait. Fait que, tu sais, si tu y vas de la petite graine puis de la petite pousse, tu sais, je pourrais te dire qu'il a commencé à y penser comme en 2011, mettons, là. J'ai travaillé avec Jason dans le temps que j'étais testeur chez Ubisoft. J'ai travaillé un été, puis il était là. Puis, il me semble qu'il nous en parlait déjà. C'est comme, wow! C'était des idées de même, là, mais... Ben c'est ça, hein, tu sais, surtout quand tu commences une compagnie, là, ben c'est ça, tu sais, c'est quand même beaucoup de travail se lancer, tu sais, dans sa propre entreprise, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est un cheminement, puis c'est pas, tu sais, moi, j'en vois beaucoup des indies, puis il y en a beaucoup du monde qui m'en parle, puis tu sais, 2-3 ans avant qu'ils quittent leur emploi, puis qu'ils se lancent, tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, c'est ça, le projet était dans sa tête. En mi-2014... Il a commencé à y avoir un prototype papier qui s'est développé, mais on a commencé vraiment le prototyping pur en 2015 quand on a eu vraiment que l'on s'est assis dans le bureau à Gameplay Space, qu'on avait des employés sur un payroll. Fait que, tu sais, je te dirais que le vrai jus, mettons, s'est passé en 2015 puis la sortie en 2017. Donc, ça fait, c'est ça, 3... T'sais, c'est deux ans, mettons, de gros travail intense. Tu vas rajouter une année de wouh, on découvre ce que c'est que de partir. Puis il y a du financement aussi au début, là. T'sais, c'est toute ta première année, c'est aussi d'essayer d'avoir du financement. Jason, il a passé. La trace puis toutes ces affaires-là, là. Ben, tu sais, il y a l'aspect, il faut que tu enregistres ton studio, il faut que tu fasses, tu sais, les trucs normaux d'avoir une entreprise, mais il y a aussi le concept que, tu sais, la production d'un jeu comme Children of Zodiac, en sais, au total, le budget de ce jeu-là, ça a été 850 000 $ à peu près. OK. T'as pas nécessairement ça dans tes poches quand tu commences. Non. Fait que, en commençant le projet, il faut que tu trouves aussi des avenues pour financer. T'sais. Fait que tu y vas comme un peu étape par étape. Au début, Jason, il avait présenté, en 2014, il avait comme mis ensemble un prototype qu'il avait présenté sur la plateforme Square Enix Collective. Je sais pas si vous connaissez un peu cette plateforme-là. Ben, peut-être que tu peux nous l'expliquer vite. Ouais, ben le principe, en fait, c'est que c'est une branche de Square Enix UK, précisément, qui supporte, en fait, les projets indie. Donc, la première étape, c'est leur plateforme en ligne. Tu peux aller sur squareenixcollective.com, je pense. Puis, les développeurs pitchent un projet, puis ils demandent à leur communauté « Comment vous trouvez ça, ce projet-là? » À l'époque, la question, c'était si ce projet-là allait en sociofinancement, est-ce que vous le backeriez? Puis nous, on avait eu vraiment beaucoup de support. Je pense qu'on avait eu 93% de oui, ce qui était la meilleure note. Vous avez un bon match quand même avec le publisher. Là, avec leur audience. Non, c'est ça. Nous, c'était un peu un match made in heaven, tu sais, côté, c'est ça, esthétiquement, puis bon, le genre de jeu. Donc ça a comme été la première petite pierre qui disait, tu sais, on n'avait rien, il n'y avait rien de conclu à ce moment-là, on n'avait pas d'argent. Mais après, tu sais, déjà, c'est un peu plus facile d'aller voir d'autres mondes puis des partenaires puis dire, écoutez, le monde, tu sais, l'audience de Square Enix Collective, ça vaut vraiment la peine. Là, à ce moment-là, on a réussi à embarquer Execution Labs dans le projet qui est devenu un des actionnaires puis un des premières entités à donner de l'argent au studio, en fait, à financer le projet. Execution Lab, c'était à l'époque un accélérateur, en fait. Donc, ils nous embarquaient avec eux pendant 3 mois, puis là, ils nous apprenaient à faire de la business, puis tout ça. Puis, Execution Lab, ça a été fondé, entre autres, par Jason De La Rocca, qui est aussi le fondateur de Gameplay Space, ici à Montréal. Donc, ça, c'est comme venu ensemble que nous, on a fait partie de la famille Execution Labs. On a eu un bureau à Gameplay Space. Tout ça, ça, tu sais, ça te donne de la légitimité, ça te donne un petit peu plus de chops, de business chops, si tu veux. Puis ça nous a mené, en fait, à réussir à avoir un premier, une première enveloppe du Fonds des médias du Canada qui nous ont financé quand même largement le projet. Puis là, avec ça, on était déjà... OK, là, on sait qu'on est capable de faire un jeu. Mais en ayant tout ça en main, c'est là qu'on a décidé d'aller en Kickstarter, en fait. Puis que là, on a complété le financement du jeu avec un Kickstarter qui a bien fonctionné. Donc, tu sais, toutes ces petites étapes-là, en fait, faut pas oublier que, tu sais, tantôt, tu me disais combien de temps ça prend... C'est ça la longue réponse à ta question. Combien de temps ça prend produire un jeu? Ça prend pas nécessairement tout ce temps-là, mais, tu sais, considérant tout le travail qu'il y a à faire aussi... On s'entend, c'est pour faire le jeu, ça prend de l'argent. Pour faire de l'argent, ça prend du temps. Fait, c'est ça. C'est normal. Puis, genre, il faut le compter. Je veux dire, c'est comme s'imaginer que tu vas sortir le jeu, que tu vas finir le jeu, puis on le met sur Steam, puis that's it. Yes! Oh. Ouais. Non, c'est ça. T'sais, en 2008-2009, peut-être, là, c'était comme la belle époque de, tu sais, si tu réussissais à être sur Steam, tu sais, c'était fait. À chaque fois, ça voulait dire quelque chose. C'est ça. Mais tu sais, je regardais des stats, justement, comme en 2016, là, qui disaient que 80% des jeux sur Steam avaient été publiés dans les 3 dernières années, quelque chose comme ça. Ça doit être encore pire aujourd'hui. C'est exponentiel. Fait qu'oublie ça, là, à se faire découvrir et tout ça. Là, fait qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus aussi, là, pour arriver à se faire voir et à se faire connaître. Le Kickstarter a-t-il aidé à ce niveau-là? Parce que, genre, oui, ça apporte de l'argent, mais ça aide-tu au niveau aussi de la visibilité? Oui, absolument. Nous, ça a été, en fait, tu sais, au départ, comme je disais, quand on est arrivé avec le Kickstarter, on considérait qu'on avait assez d'argent pour faire un jeu. Donc, l'idée, c'était d'essayer d'avoir un petit peu plus. Mais c'était aussi vraiment une étape marketing, là, tu sais, au sens où en amont d'un Kickstarter, c'est vraiment important de commencer à développer sa communauté. Mm-hmm. Puis le Kickstarter lui-même, c'est sûr qu'il développe une communauté par défaut, il développe une visibilité. Après, même si les gens qui n'ont pas fait partie de ton Kickstarter, qui t'ont pas backé, tu sais, moi, après, j'ai passé un an et demi à aller à PAX, puis tu sais, à des événements, tout ça, puis les gens font « Ah, il y a juste Kickstarter! » Puis, tu sais, le fait que tu dis, nous, on a eu la chance aussi d'avoir un super beau Kickstarter aussi avec l'aide de Square Enix Collective, parce que, tu sais, tantôt, je te disais, un petit rappel dans l'histoire, là, quand je te disais, on a eu beaucoup de backing. En fait, à l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça, mais Square Enix Collective disait, OK, mais tu sais, si vous avez vraiment beaucoup de backing de la communauté, si vous allez en Kickstarter, nous, on va publiciser votre campagne. Donc, en échange d'un petit pourcentage, bien sûr, mais tu sais, ça a fait en sorte que, en fait, notre Kickstarter, il s'est retrouvé dans la newsletter de Square Enix. Puis ça, c'est ça, c'est pas mais rien. Juste le collectif, là, je le reçois dans la newsletter. Mais c'est ça, là, le deal, c'était même pas juste collectif, c'était Square Enix, tu sais. C'est vraiment cool. C'est toutes les fans de toutes les Final Fantasy, de toutes. C'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a été un des facteurs qui a beaucoup aidé, puis ça a été un des facteurs qui a fait que même les gens qui ont vu ça mais qui n'ont pas nécessairement backé ont quand même commencé à voir le nom du projet, tu sais. Fait que c'est sûr que Kickstarter ça peut avoir cet effet-là aussi de construire du buzz un petit peu puis d'attirer l'attention des médias, des choses comme ça, ouais. Puis rappelle-nous donc le Kickstarter, bon, il a été un succès. Ouais. Il a été un succès à quel On a parti avec un objectif de 50 000. On a fait 260. Donc, 5 fois notre objectif. Ouais. Mm-hmm. Non, ça a été un très, très beau succès pour nous. Mais quand on y pense, tu as dit 260, ça a l'air gros, mais tu as dit tantôt que le jeu, il avait coûté quelque chose comme 800 000. Ouais. Fait que c'est quand même pas tant. Ouais, puis c'est ça, puis c'est super important. Tu sais, je sais, là, votre audience, c'est pas nécessairement une audience de jeunes développeurs qui veulent se lancer en indie, là, mais à chaque fois qu'on participe justement à des tables rondes puis qu'on parle de Kickstarter, nous, c'est une réalité, ça, aujourd'hui. Tu sais, tantôt, on parlait de Steam, puis on dit, ah, ben, tu sais, dans le bon vieux temps, t'étais sur Steam, puis tu faisais de l'argent, puis c'était cool. Mais c'est un peu la même affaire avec Kickstarter. Tu sais, v'là 7 ans, tu rentrais sur Kickstarter, tu voyais du monde qui faisait des millions là-dessus, tu sais, pour des jeux, puis à un moment donné, ça a commencé à planter, puisqu'il y a eu des histoires d'horreur. Là, les gens sur Kickstarter, ils sont beaucoup plus... ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils consomment. Puis, tu sais, de penser que tu vas arriver avec un concept que tu vas le mettre sur Kickstarter puis que tu vas financer l'entièreté de ton projet, c'est ambitieux. C'est vraiment ambitieux. Fait que, tu sais, c'est quasiment plus rendu un finishing fund pour les indies, tu sais, Kickstarter. Ouais, un système de pre-order. Ouais, parce qu'ils ont déjà une maquette souvent. C'est sans prototype, là, c'est bien dur d'aller sur Kickstarter. T'sais, les gens, il faut qu'ils voient. Parce que tu sais, toi, t'as beau après écrire 10 pages sur comment c'est les mécaniques de ton jeu. Ils vont pas lire ça ou ils vont pas comprendre. T'sais, c'est drôle. De nos backers, t'sais, on a eu une super belle communauté. C'était vraiment les backers qu'on a eu étaient géniaux. Il y a eu très peu de plaintes ou de gens qui voulaient ravoir leur argent. Mais, tu sais, ça arrive tout le temps. On avait 6800 backers, fait que c'est bon. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a quand même une ou deux personnes qui ont fait « C'était pas ça pantoute que je pensais que je backais. » Puis, tu sais, tu dis « Tout était écrit, tu sais, de façon vraiment explicite. » Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Il y a des stratégies quand tu pars justement ta page Kickstarter. Puis, l'affaire la plus importante, c'est mettre ton vidéo en haut. Ton vidéo, il faut qu'il soit court, puis montre c'est quoi ton jeu. Il faut que ça soit clair. Tu sais, si tu as juste un prototype papier avec 2-3 images, puis genre 4 pages de description, là, personne ne va comprendre ça. T'sais. Non, déjà comprendre des règles de jeu vidéo par écrit, c'est toujours compliqué dans ce train de vidéo. Même pas si que... tu connais, tu sais, moi, j'étais là, j'ai relisé, puis j'étais comme, je comprends pas comment ça marche, ou tu sais, d'essayer de l'écrire. Des fois, j'en lis des campagnes Kickstarter, puis ça me prend du temps avant de comprendre comment ça fonctionne. Ou même des choses comme, tu sais, lire les règles d'un board game. Ouais, tu sais, comme tu lis les règles, tu sais, ah, oh, ça a l'air compliqué. Puis là, il y a quelqu'un qui te monte avec les pinouches, là, puis qui dit, genre, gars, non, c'est pas compliqué, ça, tu fais ça, tu lances le dé, tu vas là, tu pognes une carte. Ah, oh, c'est niaiseux, ce jeu-là. C'est ça, il faut que tu te mettes dans l'interaction pour réussir à comprendre. Ah, oui, absolument. Puis là, après ça, Kickstarter ou n'importe quoi de public facing, là, t'as l'aspect, les gens se mettent à imaginer des choses. Tu sais. Oui. La personne qui dit c'était pas ce que j'imaginais, c'est comme ouais, mais c'est quoi que tu as imaginé exactement? Ben, ah, pour en revenir à Mario Kart. C'est ça. Ah, d'accord. Mais c'est pour ça que moi, c'est une des choses dont je parle beaucoup. Là, tantôt, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à Final Fantasy Tactics, puis utiliser des références de jeux mythiques, c'est comme dur de trouver le middle ground quand parce qu'il faut que tu réussisses à utiliser des références puis du shorthand tu sais pour dire ah ben c'est comme ce jeu là parce que ça mm-hmm. ça résonne avec les gens. OK, je comprends comme c'est quoi le mix que tu es en train de me donner, mais si tu sais moi quand les gens ils partent un Kickstarter puis ils font comme c'est comme Zelda dans tel contexte puis là tu sais fais tout le temps attention. Ou si tu fais référence à Zelda de façon générale, à la limite, c'est moins pire que si tu fais référence à un jeu en particulier, à Breath of the Wild, puis là tu dis c'est comme Breath of the Wild, là tu fais attention là parce que le budget est pas le même hein? non c'est ça, puis tu sais les gens si c'est trop précis, puis c'est trop mythique, puis c'est trop ancré dans la tête des gens, c'est super facile après pour que les gens vont se mettre à extrapoler sur ce que veux dire, tu sais. Puis même pour des game designers, genre, à job, là, ça arrive tout le temps, nous, qu'on quelqu'un va dire, genre, « Ah ouais, j'ai eu une idée, là, c'est un peu comme tel jeu. » Puis là, je suis comme, « OK, je te suis. » Puis là, il m'explique l'idée. Puis là, « C'est pas vraiment comme tel jeu, finalement. Genre, ouais, j'ai joué à ce jeu-là. C'est pas la référence que j'aurais utilisée. T'as utilisé Zelda, mais en fait, tu voulais dire Metroid. C'est ça. Mais on n'a pas toute la même culture de jeu. T'sais, chaque personne a joué à des jeux différents. On a tout notre bagage de jeux préférés. Puis c'est pas tout le monde qui résonne avec le même aspect d'un jeu, avec la même mécanique. T'sais. Toi, tu vas trouver que ça, c'est un super bon exemple de ce que tu es en train d'essayer de dire parce que dans ce jeu-là, toi, cette mécanique-là, t'as vraiment accroché, mais la personne à côté, c'est pas avec ça qu'elle a vécu son interactivité de façon la plus intense. Fait que vous allez clasher sur la définition de ce que c'est. Puis on s'entend que, surtout quand tu utilises comme référence des RPG, qui sont par définition des jeux énormes, ouais, c'est comme... ça. Ben moi, j'ai peut-être fini Final Fantasy sans jamais toucher à tel système, puis toi, c'est justement ce système-là que tu es en train de me référencer. Mais moi, j'ai jamais touché à ça. Absolument. Puis tu sais, au contraire, ça a été une autre chose aussi, tu sais, je parlais de Final Fantasy Tactics, mais il y a des choses aussi comme les dés dans Children of Zodiac qu'il a fallu... ça aussi, c'était quelque chose qui était difficile parce que, tu sais, déjà, la notion d'avoir des dés... Tu sais, les tabletop gamers, bon, c'est pas un problème pour eux, mais tu sais, il y a comme une espèce d'aversion de plus en plus virulente dans les dernières années contre la notion d'aléatoire, tu sais. Ah ouais, ouais. Mon chum m'a dit ça aussitôt qu'il a vu le jeu. Non, mais c'est ça, tout le monde capote avec ça, tout le monde fait « Ah, tu sais, du maudit randomness », puis c'est super drôle parce qu'en fait, le but dans Children of Zodiac, c'était de prendre le randomness qu'il y a dans toutes les RPG tactiques. Puis de dire, je vais te le mettre dans tes mains. Parce que, tu sais, dans un RPG tactique, t'as tout le temps ça. Tu as tout le temps du, ah, oh, ben, critical hit, 80, ou tu as des stats. Mais tu sais, ça, c'est tout dans le background. Là. Tu sais pas pourquoi que l'ordinateur a décidé de te donner ça. T'sais. Mais nous, on dit, écoute, tu vas le savoir, tu les brasses les dés, c'est toi qui prends le risque de les rebrasser, c'est toi qui as mis ce qu'il y a dessus. Il y a encore du randomness, oui, c'était ça. C'est ça, c'était ça l'idée, c'était de faire de toi plus, tu sais, de t'empowerer un petit peu là-dedans. Puis c'est drôle parce que les gens ont quand même. Parce que le dé, c'est aussi en soi quelque chose de fort, tu sais, que tout le monde comprend. Ça aussi, c'est un shorthand en soi qu'il a fallu comme essayer de déconstruire un petit peu puis essayer d'expliquer aux gens que c'est pas juste... Tu sais, juste, moi, j'adorais ça sur les show floors, là, quand les gens arrivaient puis les voyaient des dés. Puis tu sais, il y a des gens qui résonnent avec ça, mais il y a des gens qui sont un petit peu aversifs. Puis là, je leur dis « Attends, attends, attends, C'est là que le fun commence. Puis là, tu sais, j'y allais avec le kinétique. Tu sais, j'ai fait jouer, puis là, on arrive au moment des dés. Là, je l'ai fait brasser. Puis juste le fait de sentir kinétiquement que tu as un certain contrôle, déjà, tu sais, ça change ton appréhension de la notion du RNG. Puis après, c'est ça, tu sais, j'essayais d'avoir un espèce de path narratif pour te montrer, en fait, comment tu pouvais arriver à contrôler ça. Puis là, les gens, tu sais, ils trouvaient ça super intéressant comme proposition, mais c'est front-facing, là, ça aussi, c'est un shorthand qui est vraiment puissant, tu sais, une mécanique qui est universelle, là, en fait, le dé. Puis on s'entend qu'en plus, les dés, vu que tu as le droit de rebrasser, non seulement tu rebrasses, mais en plus, il y a une mécanique que j'ai trouvée vraiment particulière, parce que je m'y attendais pas, c'est que quand tu rebrasses, ton deuxième, les dés qui revolent de ton deuxième lancé peuvent accrocher les dés de ton premier lancé. Yes! Je suis super contente que tu parles de ça. Oui! Moi, c'est l'affaire que j'aime le plus dans ce lancé de dés-là. Puis c'est quelque chose que j'adore présenter aux gens aussi. Puis là, c'est là que tu vois la proportion de la population qui ont le verre à moitié vide puis qui ont le verre à moitié plein. Parce que moi, dès que j'ai vécu ça puis que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de possible dans le jeu, parce que tu sais, des fois, il y a des petits détails de même que les devs, tu sais, moi-même, je le découvre en y jouant. Là, puis je fais, il y a un peu suspect, ça. Puis moi, tout de suite, j'ai vu la possibilité de tricher, genre. Tu sais, moi, tout de suite, je me suis dit, « Hey, ça veut dire que si je le swing par là, je suis peut-être capable d'en relancer un autre, tu sais. » Alors qu'il y a du monde que ça les insulte, tu sais. Là, ils sont comme, ils ont fait le choix judicieux de rebrasser ces dés-là, puis là, ils trouvent ça bien épouvantable que le reste soit à risque. Mais tu sais, toute cette excitation-là, que tu sois frustré ou que ça t'excite, c'est cool, tu sais, c'est ça. Ça écoute, t'as-tu déjà eu du fun de même en brassant des dés, tu sais? En disant qu'est-ce qui va se passer, tu sais, c'était ça qu'on voulait, là. C'est ça. Tu sais, moi, au début, j'étais comme, coudonc, c'est-tu un bug? Parce que ça prend, tu sais, tu le remarques pas au début parce que tu dis, genre, ben voyons donc, ça se peut pas, tu sais, je relance mes dés, ça passe au travers. Là, tu sais, il semble que j'ai vu le dé, là, il a bougé. C'est-tu un... Attends, là, je vais essayer. Puis là, tu essayes pour de vrai. Tu sais, ah ben, tabarnouche. Ça donne lieu à des moments, tu sais, où ce que t'as le dé qui est comme sur le bord de l'arête, puis t'es comme. C'est bien plus le fun pour ça, là. Puis c'est parce que ça va à l'encontre. Tu sais, quand tu joues un board game, le jeu dit relance les dés. Ben là, tout le monde fait comme, ben évidemment, je vais enlever les anciens dés que je garde, puis je vais brasser les nouveaux, les dés que je relance dans un. Puis là, tu dis, c'est pour ça que tu dis tout le temps aux gens, brasse dans le couvercle de la boîte là, pour être sûr de rien accrocher. Mais vous, non seulement vous dites, on s'en brasse pas dans le couvercle de la boîte, mais en plus, on peut faire exprès de je brasse les dés, puis je vais essayer d'accrocher ton pion pour le faire voler. Tu sais, c'est ça, là. C'est comme jouer à serpent à échelle, puis dire, je vais brasser les dés, puis je vais essayer de le faire voler pour te faire kicker ton bonhomme, ton pion jusqu'au départ. Mais l'idée étant aussi que, tu sais, un des drivers du design de ce jeu-là, c'est aussi de dire, tu sais, ça reste que un jeu tactique, c'est quand même quelque chose qui a un pacing qui est assez lent. Puis là, en plus, nous, on a décidé de rendre, disons, volontaire certains aspects qui sont normalement de l'AI, tu sais, dans un RPG tactique. Puis, tu sais, on s'entend que ça peut être long puis plate longtemps, tu sais, de commencer à jouer une carte puis à lancer des dés, surtout si c'est quelque chose qui, au final, est automatique ou pourrait être automatisé. Mais là, le fait d'ajouter cet élément-là, en fait, ça fait que t'es actif pendant ton lancer des dés. T'es actif, puis il faut que tu stratégises, puis ton esprit de stratège, en fait, commence à partir du moment où tu poses tes unités, la carte que tu choisis, ce que tu sais que t'as dans ton deck. Après, t'arrives dans les dés, puis t'es encore en train de stratégiser en disant... Si je réussis à avoir ce dé-là, si j'accroche pas lui, je lance de ce côté-là. Donc, tu sais, t'es pas cette agentivité-là, puis cette stratégie-là, puis cette espèce de capacité d'adaptation, tu l'as pendant tout ton tour, au lieu d'être juste assis puis faire comme OK, ben j'attends que l'animation, tu sais, se passe au complet. Puis on n'a pas été exempt de ça, tu sais. Une des premières choses qu'on a patché dans le jeu quand il est sorti, en fait, ça a été de rajouter un fast-forward. Parce que, tu sais, quand c'est le tour des ennemis, ou même, tu sais, l'animation des fois de combat de tes propres personnages, des fois, à un moment donné, quand c'est rendu justement au niveau 16, tu sais, t'es un petit peu tanné de les voir. Tu sais, c'est quelque chose de jouer avec le pacing d'un jeu comme ça. Mais tu sais, c'est vrai que dans les RPG tactiques, surtout ceux où justement tu places toutes tes pièces, tu choisis tout ce que tu vas faire, puis après c'est l'ordinateur qui fait comme le round. Hey, ça peut être vraiment plate là quand t'es comme t'as 4-5 personnages puis que tu fais juste attendre la résolution de tout, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était une façon de garder le joueur actif pendant comme la totalité du tour. Tu dis ça puis je suis comme j'ai des flashbacks. Le premier jeu tactique, je pense que j'ai joué, c'était Advance War. Mm. Tu sais, Advance War, quand l'ennemi il a beaucoup d'unités, là, c'est long. C'est long. Ouais. Je découvrais ce genre-là. Je jouais jusqu'à 3h du matin sur un émulateur. Puis j'étais comme genre, oh, c'est malade, c'est comme des échecs. Oui. Mais genre, je peux acheter des bonhommes, waouh! Mais à un moment donné, faut que tu regardes pareil. Hein? C'était... Oui, parce que c'est ça. Faut que tu vois, parce que sinon, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Là, tu sais pas pourquoi long, tes tanks sont morts. C'est comme, comment ça que j'ai plus de tank? C'est long, mais tu peux pas skipper. Mais fait que ça, histoire... ouais, c'est super touché. Mais c'est ça, petite histoire de prod. Tu sais, nous, c'est quelque chose avec quoi on a navigué aussi. D'ailleurs, on parlait des dés, mais il y a quand même des gens qui ont pas trippé tant que ça à lancer les dés parce que, tu sais, c'est juste... C'est une question de goût aussi. On a gardé le feature. C'était quelque chose... Une chose à laquelle les devs étaient vraiment opposés, là, d'avoir un lancer de dés automatique, parce que finalement, ça c'est vraiment du RNG, mais finalement, on l'a gardé, parce que c'est quelque chose qui avait été demandé. Puis, une autre chose qu'on n'avait pas faite au début, puis c'est ça, on dit, ah ben là, on veut pas skipper le tour des ennemis complètement, justement pour ce que tu dis, Anne-Marie, tu sais, la question de dire, hey, je comprends pas ce qui vient de se passer, tu sais, finalement, tu commences à jouer, puis finalement, quand tu skips, après, tu reviens, puis là, il y a une hécatombe, puis là, tu ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on voulait pas faire ça. Par contre, tu sais, une affaire qui est comique, puis tu sais, on n'y pense pas nécessairement tout le temps en tant que dev, nous, en tant que développeur, on avait un cheat, tu sais, dans le build sur lequel on travaillait qui nous permettait de fast-forwarder, tu sais, parce que bon, t'as pas le choix. Mais on l'avait pas mis, tu sais, dans le jeu en tant que tel, puis, tu sais, ça a pris 12-24 heures, là, que le monde était comme « Guys! » rendu à mission 15, là, je suis plus capable! » Puis on était comme ah ouais, ok. Parce que nous, on le voyait pas tant que ça. Soit en playtest, on n'avait pas nécessairement, tu sais, on n'a pas nécessairement playtesté avec du monde qui jouait comme de A à Z. Tu sais, ils faisaient mettons 4 missions. Tu sais, même c'est si ça. C'est long, ça reste que t'as pas nécessairement le temps de te tanner. Puis toi, quand tu développes, tu le fast forward. Fait que ça a été quelque chose ça a été une des premières affaires qu'on s'est fait dire, qu'on a dit, vous avez raison, on va l'ajouter. Puis ça a ajouté beaucoup à la qualité de vie. Ah c'est... bon. Est-ce que ça a été facile à ajouter, justement, vu qu'il était déjà codé, techniquement? Ouais, ça n'a pas été si dur que ça, non. C'est ça, on a été chanceux. C'est drôle, hein, à quel point, tu sais, tout de suite, on dirait que, surtout du côté du consommateur, là, tu sais jamais, les gens, ils te demandent des affaires, des fois, qui ont l'air d'être ridicules puis d'être la lune, puis t'es comme, ben ouais, je te fais ça, tu sais, on va prendre 12 heures, puis d'autres fois, tu sais, ils te demandent un petit changement, puis t'es comme, non, si je fais ça, j'arrache tout. Mais ça, c'en était un qu'on a été chanceux, on n'a pas eu besoin de... C'est un easy win. Ouais. Mais pour la question des dés, moi, je suis sûre que ça vous a amené plus de clients que ça vous en a enlevé, là. Genre, tu sais, oui, il va tout le temps avoir du monde qui va dire oh, ça me tentait pas de. Oh. Ouais. D'avoir ça. Puis, tu sais, une affaire à laquelle on n'avait pas pensé, mais ça, j'ai trouvé ça super intéressant sur les shows, sur les expositions, c'est aussi la question de l'accessibilité. C'est quelque chose que j'aimerais travailler là-dessus comme dans le futur. C'est pas toujours évident de prendre ça en compte dans ta production, mais il y a des gens qui nous disaient, tu sais, un tactique, c'est justement, c'est pas un jeu qui te demande des Twitch reflex. Mm-hmm. Donc, c'est le genre de jeu qui va être attirant pour des gens qui ont des limitations au niveau de la mobilité, tu sais. Fait que, puis tu vois, c'est quelque chose qui c'est niaiseux, mais j'y avais pas nécessairement pensé, mais j'ai rencontré quand même beaucoup de gens sur les show floors qui avaient des handicaps physiques, qui avaient des limitations physiques, puis qui disaient ah ben oui, c'est cool, moi j'aime ça jouer à ton jeu, mais tu sais, moi j'en ai besoin de ce bouton-là, mettons, parce que brasser les dés pour moi c'est difficile, tu sais, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça. Ah. C'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai commencé à jouer au début, c'était quand je me suis pété un doigt, puis là, je ne pouvais plus jouer à Heroes of the Storm. Oh, c'est vrai. Là, bon, je ne peux plus jouer à Heroes of the Storm. Là, il faut que je trouve un jeu qui se joue juste avec la main droite ou juste avec la souris ou juste avec la manette du côté droit. Ouais. Hey, bonne chance. Mais c'est ça, puis Children of Zodiac, tu peux jouer entièrement avec, avec la souris, ouais, tu sais, le mapping qu'on a, ouais. Fait que c'est une chose qui serait intéressante à pousser, mais tu vois, juste un petit détail comme ça, des fois, le UI, moi, il y a bien du monde qui justement, j'ai comme commencé à apprendre un peu là-dessus et à découvrir, tu sais, comment tu disposes tes éléments de UI, puis le fait de donner des possibilités comme ça aux gens, des fois, ça aide. Fait que je suis quand même contente qu'on l'ait gardé, parce que... Ouais, c'est ça, ben, c'est aussi, les boutons sont gros, fait que, même avec la souris, c'est pas comme mettons, Civilization où des fois les boutons sont vraiment tout petits. Les gros pitons avec la souris pour puis la main gauche handicapée, ça fonctionnait bien. Non, c'est vrai que c'est le fun, ça. Pis sinon, fait que donc, là, le jeu... Là, on a une situation vraiment intéressante avec toi, parce que d'habitude, quand on invite des gens, c'est soit des gens qui vont bientôt sortir un truc, ou des gens qui viennent juste de sortir un truc. Ouais. Et là, Children of Zodiac, ça fait combien de temps là, qu'il est sorti? Ça fait plus qu'un an. C'est ça. Ouais. Fait que là, toi, tu vas pouvoir nous parler de l'après. En tout cas, moi, je trouverais ça intéressant de savoir comme, qu'est-ce qui se passe après le mois de lancement. Comment ça se passe? Ben, écoute, c'est intéressant parce que tu disais, toi, tu as travaillé chez Ubisoft, puis une grosse partie de notre équipe, en fait, c'est des vétérans aussi de l'industrie qui avaient travaillé dans les gros AAA. Puis quand tu travailles dans une grosse compagnie comme ça, souvent, quand le jeu est shippé, toi, tu sais, en tant que designer, mettons, là, après ça, le jeu, il a fini le QA, il s'en va à certification, après ça, il sort. Tu sais, toi, dans le fond, tu wrap up, tu t'en vas sur un autre projet. Puis là, à un moment donné, le jeu, il est launché, il y a un party, cool, tu pop le champagne, yeah, let's go, t'as du closure. quand t'es une petite équipe indie, il n'y en a pas de closure. C'est quelque chose qui est un petit peu rough, tu sais, puis qu'on a comme tout appris à vivre en même temps. Émotionnellement, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, tu sais. Nous, on était là sur le plancher, on attendait comme l'heure à laquelle ça allait sortir, on pop le champagne, OK, let's go, on va boire, puis après ça, on s'assoit, puis on est sur Steam, tu sais, puis on répond au monde, puis on commence à travailler. Puis le mois, parce que précisément, tu as dit le mois après la sortie du jeu, en fait, tu es encore en train de travailler ce jeu full-time, tu sais, tu es en train de faire de la maintenance, tu es en train de patcher, Nous, on a été chanceux parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, on avait une équipe d'expérience, on avait un programmeur, un lead programmer qui était très expérimenté. Fait que le jeu, il était solide quand il est sorti. T'sais. Il n'y avait pas beaucoup de bugs. Écoute, on a passé la certification grâce à notre éditeur aussi, là, mais on a passé la certification vraiment vite. Oh, nice. Écoute, ça peut être long. Et sans joke, là, ça a pris 3 jours. On était... What? Ouais, non, je... What? Non, je te dis, on était... béni des dieux du jeu vidéo, mais ça s'est super bien passé. Fait que le jeu, quand il est sorti, il était quand même solide, il était quand même stable, il était pas super buggé. Fait qu'il y a beaucoup des patchs qu'on a fait qui étaient des patchs qualité de vie, tu sais, un peu comme ce que je te racontais tantôt. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est super important, tu sais, que là, tu écoutes le feedback, justement, tu réponds. Là, il y a comme tous les trucs médiatiques aussi, tu sais, il faut que tu fasses du community management à fond la caisse. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans le mois, puis les mois qui suivent ça. Après, en tant que petit... Après, tu meurs, tu t'en vas en vacances, tu fais quelque chose, parce que... ça fait comme... disparaît. C'est ça, ça fait des mois que tu travailles comme un cheval. Puis après, encore une fois, moi, je te parle tout le temps du point de vue d'un petit studio indie. Faut que tu gères l'overlap, en fait. Parce que là, nous, on avait déjà comme, tu sais, planifié nos trucs. On savait qu'on avait comme un autre projet qu'on allait commencer à développer après ça. Fait que là, faut comme réussir à enchaîner tout ça. C'est intéressant. c'est intéressant comment les gros studios, des fois, c'est ça, tu sais, vu qu'ils ont plusieurs projets, ils ont moyen de mettre leurs employés sur différentes choses. Nous, on a des budgets restreints. Tu peux pas comme juste laisser quelqu'un, tu sais, faire whatever. T'sais, moi, j'ai des budgets vraiment spécifiques, tu sais, pour les jeux sur lesquels je travaille. Fait qu'il faut que mon équipe a bouge en conséquence. Fait que ça, c'est tout un défi de gestion à l'interne, d'arriver à faire ça. Puis après, t'as aussi le petit blues de, je sais pas, tu sais, moi, je suis allée à l'école longtemps, puis tu sais, j'ai fait, des maîtrises, des trucs comme ça. Il y a tout le temps l'espèce de petit crash après que t'as comme atteint un gros milestone dans ta vie, tu sais, oui. T'as fini ton bac, t'as fini whatever, t'as fini ton cégep, puis là, à un moment donné, t'es comme fuck, t'es comme, tu sais, face à la vie, tu viens, tu sais, de finir de travailler comme un débile jour et nuit. Puis là, tout d'un coup, la vie change complètement. Fait que ça, c'est quelque chose à l'interne. Oui, puis toutes les devs en parlent. Genre, j'écoute d'autres podcasts qui font des entrevues avec des indies ou n'importe quoi. Mm. Puis c'est la dépression post-release, ouais. C'est un vrai truc. Mais tu ris, mais c'est quand on a fait des conférences, Jason et moi, au MIGS, au Montreal International Game Summit, en 2017. Puis moi, ma conférence, c'était... En fait, l'idée, c'était de faire un post-mortem, mais pas sur le projet, sur l'entreprise elle-même. Parce qu'il y a bien des gens qui veulent faire avoir une business de jeux vidéo. Puis on a décidé d'appeler ça un post-partum. Parce qu'on disait... ben, tu sais, c'est ça. Déjà, ta petite business, une fois que ta phase startup est finie et ta business n'est pas morte, hein, elle vient juste de sortir, puis la braille, puis elle te laisse pas dormir la nuit. Mais, mais c'est vrai qu'il y a effectivement un petit peu de ça aussi, tu sais, après le premier projet qui a comme été toute cette phase startup-là de l'entreprise aussi, qui était le premier projet, qui souvent aussi, on va pas se le cacher avec les indies, là, le premier projet, c'est le projet de passion, c'est le projet bébé, c'est celui qui t'a... Tu sais... Fait que c'est rough après, tu sais, de faire comme, OK, mais là, on est une entreprise, puis il faut qu'on continue de faire des produits, de faire des jeux, puis de, tu sais, de rouler notre business, tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. À l'interne, c'est comme un petit peu comme ça que ça se vit. Puis à l'externe, ben, c'est sûr que, tu sais, Children of Zodiac, c'est un jeu, c'est une campagne solo, premium, tu sais, on n'a pas de live ops, là, c'est pas comme si on était tout le temps en train de sortir des affaires, tout ça, fait que c'est un modèle qui tend à vouloir mourir, ce modèle-là, malheureusement pour les devs, tant mieux pour les consommateurs, mais ce qui fait en sorte que ça nous a quand même un petit peu permis de survivre, puis là, ben, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas comme si on était encore un an plus tard full pin dedans, mais, tu sais, même un an après, comme je te dis, il y a des choses qui se passent. Puis on est en retard aussi, malheureusement. Là, Amanda, je suis bien désolée s'il y a de vos auditeurs qui font partie de nos backers. On a encore des récompenses physiques à livrer. Fait qu'on travaille encore là-dessus. Ouais, ouais. C'est touché, ça. Ça aussi, c'est touché. Surtout quand ton Kickstarter est un gros succès. Oui. Parce que t'en as plein. Surtout quand tu fais ton Kickstarter au début, puis tu dis, ben ouais, on va faire ça, on va faire ça. Tout le monde fait ça. Ouais, puis tu sais, le pire, c'est qu'on n'a pas été. On a été quand même stratégique, Jason. Il a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avant de partir le Kickstarter, mais il y a des choses auxquelles tu te confrontes. Nous, une des grosses récompenses physiques qu'on avait, en fait, c'était des copies physiques du jeu. Puis des copies physiques de la version PC, c'est bien le fun. Ça, c'est pas si pire que ça à produire. Mais des versions physiques de la version PlayStation. En tout cas, s'il y a des devs qui nous écoutent, faites bien attention. C'est bien compliqué. Ah, ouais. Tu sais que ça te prend un autre ESRB complètement. Pour ta version physique. C'est juste te donner une idée, là, tu sais, de une des petites embûches qui peuvent arriver quand tu décides. Le ESRB, ça, c'est l'affaire qui dit c'est E pour tous ou ça, T pour adolescent ou M pour mature. Fait que les autres qui évaluent ton jeu. Ouais, même si c'est le même jeu. Exactement le même jeu. Ils font de l'argent avec ça, là, évidemment. Je pense qu'il y a différentes raisons, lois, règles, je sais pas exactement c'est quoi les détails de pourquoi c'est constitué comme ça, mais c'est ça, c'est des choses. Tu sais, on a été super chanceux parce que on a quand même, avec Children of Zodiac, qui était capable de montrer qu'on était une équipe sérieuse, solide, tu sais, qu'on était capable d'être un bon producteur. Un gros truc, ouais. On s'est fait des partners, tu sais, dans le des éditeurs indie friendly, donc ça c'est eux, ils nous aident beaucoup beaucoup là-dessus parce que nous on est bon pour faire des jeux là, mais on n'est pas des distributeurs. Donc, ouais, on peut pas tout faire là. Non, c'est ça. J'ai déjà entendu des histoires d'horreur là, de gens qui ont fait un Kickstarter. Le Kickstarter est un énorme succès, puis ils font faillite à cause qu'ils sont pas capables de faire des produits. Faut faire super attention avec ça. Non, c'est ça. T'es pas un manufacturier non plus. T'sais, moi, c'est vraiment une affaire. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai commencé à travailler au studio après le Kickstarter. J'étais pas là depuis le début, mais je connais l'histoire du studio depuis le début parce que, en fait, le fondateur du studio, c'est aussi mon partenaire dans la vraie vie. Donc, j'étais bien impliquée dans l'histoire depuis le début, mais j'ai commencé à travailler puis à manager le studio en 2016. Donc, moi, j'ai pas participé personnellement à cet hop le Kickstarter. Mais maintenant, j'essaye de gérer justement la logistique, la production de ces affaires-là. Puis, non, c'est ça. Tu sais, moi, produire, là, nous, on a un livre, on a des cartes postales qu'on veut envoyer, on a des t-shirts, ça s'est relativement bien passé, on a des copies physiques. Tu sais, c'est beaucoup de choses à produire. Mmh. Puis même si tu as des partenaires, tu as des ci, tu as des ça, faut pas oublier qu'il faut que tu gardes l'argent dans la banque pour ça. Puis il faut que tu coordonnes tout ça aussi, là. C'est compliqué. Il faut que tu les envoies, puis ouais. Mmh. Est-ce que c'est vous qui faites le shipping puis tout ça, ou vous avez outsourcé cette partie-là? Fort heureusement, non. On outsource la majorité. La seule chose qu'on va probablement shipper, c'est les cartes postales. Qu'on va signer. Combien? 300. 300 cartes postales à signer? Préparez-vous pour une bonne journée. Oui, on va se faire un beau party de pizza, puis on va... Ouais, ça va être super. On fait des stacks, puis un petit peu à chaque jour pendant une semaine. Ouais, c'est quelque chose. Mais tu sais, l'affaire en plus, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé sur Children of Zodiac qui ne sont plus dans le studio. Ah, oui, ça fait un an, là. Il va falloir les inviter, puis voir s'ils veulent bien nous aider à signer notre stack de cartes. Mais non, c'est ça. C'est le truc qu'on risque de livrer. Puis sinon, on avait pensé à peut-être demander, en fait, parce qu'on outsource à un studio, en fait, qui fait ça aux États-Unis. On avait pensé à avoir comme, à leur demander de nous shipper en bulk, tu sais, toutes... Les récompenses des gens qui sont à Montréal pour leur dire si vous voulez venir les chercher au studio, dire bonjour, tu sais, venez les chercher, comme ça, ça sauve un peu de shipping, puis bon, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent venir, tu sais, qu'on peut avoir un contact avec les gens. Bonjour, ben oui. C'est quelque chose qu'on va considérer, là, tu sais, il faut qu'on demande aux backers qui sont dans la région, voir si ça les intéresse. Ça, oui, mais ça aussi, c'est long. Mais ça aussi, c'est ça. Ça fait que moi, j'ai quand même, tu sais, 120 packages, tu sais, dans mon studio. Puis, tu sais, au Gameplay Space, toi, t'es déjà venu, Nerf, là. Oui. Fait que, tu sais de quoi ça a l'air un petit peu. Déjà que pendant longtemps, on a bien porté notre nom de Cardboard Utopia parce qu'on avait comme 1 million de boîtes en carton dans cet espace public. Là, si on a tout ça, ça va être vraiment merveilleux. Est-ce que vos bureaux sont entourés de boîtes de carton pour faire une cabane en carton puis des murs en carton? On était presque à ce point-là. Là, en ce moment, il y a un petit mur de boîtes de carton à côté de mon programmeur parce que c'est toutes les boîtes de nos dev kits qu'on garde parce qu'éventuellement, il va falloir les rechipper. Fait qu'on a un petit mur là, qui m'arrive peut-être aux épaules, mais j'ai fait un peu de ménage. Ça... Le Cardboard Utopia en carton. Je trouve ça génial comme image. On avait mis des photos sur Twitter dans le temps parce que quand Gameplay Space a commencé, il était sur Saint-Laurent. Puis on a déménagé, en fait, sur Saint-Alexandre, là, à côté de la Place des Arts, quelques mois après. Puis quand on a déménagé, en fait, on a acheté beaucoup de d'équipements puis de trucs. Fait qu'on a comme tout mis à profit l'aide de toutes les gens qui habitaient dans l'espace. Puis là, il y a des photos de nous autres en train de monter des chaises, mais avec, tu sais, des sentiers de mort, de boîtes de carton, tout ça. Fait que là, on faisait des jokes de Cardboard Utopia. Là, puis... Ben, c'est ça. C'est ce que c'est. Ça fait beaucoup de bureaux IKEA à assembler. Donc, beaucoup de boîtes de carton, c'est le potentiel est vraiment là. Ouais, on aurait tous dû garder ça, là, ça aurait été... Ouais. Par des bureaux. Est-ce que vos bureaux sont en carton? J'ai déjà vu ça. Ça existe. Des bureaux en carton. Moi, je me suis acheté avec du monde de Gameplay Space, on s'était tous mis ensemble pour s'acheter des pour s'acheter des bureaux debout de pauvres. Tu sais, c'est comme une espèce de... Comment ça s'appelle? Ah, ça s'appelle le Ori Stand. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir un vrai bureau qui se lève, t'as une espèce de boîte à carton qui se déplie, tu sais, puis que tu peux mettre sur ton bureau. Fait que là, tu peux mettre... J'ai failli t'acheter un! Oh, wow! J'en ai un! J'ai failli, je me disais comme... Hey, c'est comme une bonne manière de l'essayer, on va voir si j'aime ça, puis si j'aime ça, je m'en achèterai un vrai. Ben oui, c'est vrai ça que je me suis dit moi aussi. Ça a fini dans mon salon, puis je m'en sers pas tant que ça. Mais aussi, surtout parce que je travaille pas tant que ça avec un laptop au bureau. Fait que tu sais, c'est comme compliqué de riguer tout le temps tes écrans sur ton affaire en carton. Tout ça. Que... Ouais, non, c'est sûr. C'est pour ça que les bureaux debout fancy, c'est ceux qui ont comme des espèces de clenches, puis le système de levier, puis pas de poulie, mais de mécanique là, pour que ça lève, puis que tu puisses comme facilement le monter puis le descendre sans que tous tes écrans s'accloquent partout. Mais attends, pas, mais attends, là. Tu sais, Outer Minds, les créateurs de Legend of the Brofist et de Tuber Simulator, merci. Ouais. C'est, donc, ils ont fait partie de la grande famille de Gameplay Space pendant un long moment. Ils habitaient avec nous, puis juste avant qu'ils déménagent dans leur un bon bureau. On dirait que j'ai une face sarcastique pour une raison bizarre, mais non, c'est vraiment leur bureau. Juste avant qu'ils déménagent, il était... C'est de la jalousie secrète. Je suis vraiment très jalouse de leur mais c'est pas des bureaux en carton, ça. Oh, c'est pas du carton, ce monsieur. Mais non, juste avant de déménager, il magasinait justement des bureaux de même fancy. Puis là, c'est tout un petit système électronique avec un piton. Puis là, ça montait, puis ça faisait pas de bruit. Puis ça... Puis là, on était... Il y avait des électroniques! Écoute! Ouais. J'imagine que quand t'as la pièce... Hey. Ben, hey, non, mon copain, il y a ça, là. Les standing desks, c'est... Le bureau debout, c'est toujours comme 4 fois plus cher qu'un bureau normal. Si tu veux qu'il monte puis qu'il descend avec la mécanique, là, tu fais x2. Puis là, s'il y a un moteur en plus puis qu'il y a une pipi électrique, sûr, tu fais x10. Mais c'est pas chez IKEA, mais je sais que... Ah oui, ben, il y en a chez IKEA, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Mais aussi pour le déplacement des écrans, là, dans le fond, mon chum, il y a un bras. Le bras articulé, puis ses écrans sont dessus, fait que c'est pas mal moins tannant, là, fait qu'ils sont pas appuyés à terre, puis il peut vraiment les bouger comme mon micro, là, en ce moment, là. Mais plus solide. Et le mien. Ouh. Oui, c'est ça. On va juste faire une petite mini-pause, parce que Blob, c'est l'heure habituelle où Blob est obligé de nous dire bye. Ce qui est très dommage, parce qu'on a eu une invitée fantastique, puis c'était vraiment intéressant, que j'écouterai la suite en différé quand ça va être disponible. Super! Yes. Merci. Bye, Blob. Bonne nuit! Merci, bonne soirée à tout le monde. Bye-bye. Bon. Et là, en tant qu'animateur de podcast, il faut que je trouve une manière de faire un beau lien entre parler de bureaux qui montent puis qui descendent et n'importe quoi d'autre là, sur la feuille de route. On donne des trucs, là. Fait que, ouais, c'est ça le truc chez nous, là, c'est vraiment les écrans sur un bras. Ben ça, c'est drôle, hein, tu dis ça, on a on est un peu niaiseux, on n'y avait jamais pensé, jusqu'au jour où l'artiste qui était avec nous est parti, puis elle avait une espèce de bras qui tenait sa tablette avant, puis la nouvelle artiste, elle voulait pas le bras, puis là, Jason, il a fait « Ah, je pourrais mettre mes écrans là-dessus », puis là, ça a comme fait « On pourrait tous s'acheter ça ». Ouais, c'est cool quand même. C'est le bras canadien. T'as-tu trouvé le prochain sujet, Narf? J'ai trouvé un prochain sujet, je sais pas, moi, je suis pas bon là-dedans. Il y en a 3 millions, là. Ah, tiens, on parlait des bureaux au Gameplay Space. Yes! C'est cool au Gameplay Space. Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que vous aimez ça? Écoute, moi, full disclosure, il faut que je te dise que je suis sur le conseil d'administration du Gameplay Space depuis 2 ans. J'ai été réélue pour ma 3e année. Fait que là, on a juste droit à une réponse en canne bureaucratique. Et, absolument, complètement vendue. Non, mais je le dis parce qu'on le sait que dans le monde du jeu vidéo, il faut être bien transparent. Mais... bla, bla, bla. Mais non, mais aussi, ça reflète aussi l'amour profond que j'ai pour le Gameplay Space. Bon, en fait, depuis le début, je me suis impliquée dans l'administration. C'est pas comme si moi, en tant que membre sur le conseil d'administration, c'est pas comme si c'était moi qui gérais tout. Là, au contraire, on a une directrice qui est magique pour ça. Mais oui, j'avais envie de m'impliquer un peu plus parce que c'est vraiment... C'est une super place pour travailler. Puis la mission du Gameplay Space, à la base, c'est d'être un lieu de rassemblement, en fait, pour la communauté. Puis je pense que Gameplay Space réussit bien ça, puis grandit bien dans cette mission-là. De plus en plus, en fait, on essaie d'aller vers quelque chose d'encore plus rassembleur, d'avoir plus d'événements, des choses comme ça. Puis d'être assis dans cet espace-là, de pouvoir jaser avec nos pairs, ça a été, je suis désolée, hein, je travaille en anglais toute la journée, puis là, des fois, j'essaie de parler, puis le mot, il est collé dans ma tête en anglais. Invaluable! Mais ça a été... I don't know what you're talking about. Non, c'est ça. Mais ça a été vraiment d'une très grande aide. Puis tu sais, c'est le fun aussi de voir, là, nous, on est dans les plus vieux, tu sais, on a été dans les premiers à être au Gameplay Space, on est encore là. Là, des fois, on voit des jeunes arriver, puis on est comme, on va t'expliquer ça, puis on s'aide, puis non, c'est super cool. Puis chose que les gens savent pas souvent sur le Gameplay Space, c'est un organisme à but non lucratif. Donc... c'est la raison aussi pour laquelle on a un conseil d'administration qui inclut de ses membres, parce que nous, en fait, le loyer qu'on paye au Gameplay Space, c'est notre membership, en fait, à l'association, si on veut, qui est le Gameplay Space. Puis ça donne une couleur aussi à la mission de l'espace. T'sais, le but, c'est de pas de faire de l'argent, c'est de supporter la communauté développeurs indie. Ah, mais c'est trop cool, ça! Je savais pas ça. Je connais Gameplay Space depuis que ça existe. Je connais même dans le temps d'Execution Lab, j'allais là pour des playtests et des trucs. Je vais les événements, c'est toujours le fun. Ouais. Il y en a à peu près à tous les mois, 2 mois. Là. Jason De La Roca, il invite du monde, puis là, c'est le fun. Puis là, je sais pas, 4 ans plus tard, j'apprends, c'est une affaire non lucratif. Ah, wow! C'est pas nécessairement, tu sais, la première chose que tu dis parce que c'est pas l'affaire la plus importante, mais moi, c'est quelque chose justement qui m'a attiré à un moment donné quand j'ai compris le fonctionnement de l'affaire, puis que j'ai fait, parce que c'est ça te libère, en fait, tu sais, du poids d'avoir à faire de l'argent pour faire de l'argent, là, finalement. Puis quand tu t'impliques à essayer de faire des événements justement qui vont rapporter quelque chose au Gameplay Space, mais c'est parce que tu sais que ça va être réinvesti dans la communauté, puis en fait, en tant que membre, tu t'en bénéficies. Puis sans être membre non plus, t'es, comme tu dis, t'es venu, tu connais bien l'espace, tu en as profité aussi, je suis sûre que t'as networké, que t'as rencontré du monde que tu connaissais pas avant. Je sais pas de qui tu parles. Non, c'est ça! Mais ça bénéficie à l'ensemble de la communauté de développement du jeu, fait que... une belle organisation. Fait que, venez nous voir, venez rester chez nous. Il y a des bureaux de libre. Il y a des bureaux de libre, mais en fait, là, c'est drôle parce qu'on est on est en train d'essayer on a déjà été chercher un petit peu plus d'espace. Là, on est en train d'essayer de trouver des moyens justement d'aller chercher un plus grand espace. C'est un projet à plus long terme. Il y a des bureaux de libre, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Il y en a quand même, mais c'est juste que ça dépend de la taille de l'équipe. Là, si on veut accommoder une grosse équipe, il va probablement falloir qu'on bouge des affaires un petit peu. Mais on est quand même flexible là-dessus. Généralement, Liv, la directrice, elle est bonne pour jouer au Tetris un petit peu. Mais c'est tout un affaire de timing aussi. Hein, des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah oui, je veux venir, mais dans 5 mois. » Puis là, dans 5 mois, il y a plein d'autres mondes qui sont arrivés. Fait que là, tu sais, faut comme ça. Mais on est accommodant. Tu sais, c'est juste d'écrire justement un livre puis de commencer à penser à ça si ça vous intéresse. Ça, puis je pense, j'avais-tu déjà lu qu'on pouvait louer comme même à des périodes très courtes, comme à la semaine ou quelque chose comme ça? On peut louer à journée, si tu veux. C'est un espace de co-travail typique, là, dans le sens où, en fait, c'est ça, c'est que t'as trois types de deals, plus ou moins. C'est-à-dire que tu as le deal permanent. Là, nous, c'est ça qu'on a. On a un bureau, il bouge pas, il est là, il est à nous. Tu as le deal temps partiel, ce qui veut dire que, dans le fond, t'as comme, tu payes au mois, mais ça te coûte moins cher, sauf que tu peux pas laisser ta tour, mettons, sur la table. Si c'est pour quelqu'un, mettons, un freelancer qui vient avec son laptop, puis dans le fond, on t'accommode là où il y a de la place cette journée-là. Généralement, c'est pas un problème. Mais tu peux venir aussi puis payer juste à la journée puis dire, ah, ben aujourd'hui, ça me tente d'aller travailler entouré de développeurs. Puis, ça, tu sais, genre, quelqu'un qui travaillerait à la maison puis qui a besoin d'une salle de réunion pour rencontrer des clients, c'est comme, hop. Oui, oui, c'est ça. Au Gameplay Space, il y a des espaces qui sont loués pour ça. Fait que, puis ça, à la limite, on est peut-être aussi un petit peu plus flexible. C'est sûr que c'est intéressant parce que le Gameplay Space, ça est dédié, en fait, au développement de jeux vidéo. Ça, c'est comme le truc qui est différent des autres espaces de co-travail. Fait que c'est sûr que, je sais pas, là, si t'es une start-up de n'importe quoi qui n'a pas rapport avec les jeux, on va pas nécessairement... De brosse à dents, on va pas nécessairement t'accommoder dans l'espace. Parce que le but, c'est justement que la présence des uns des autres soit bénéfique pour les uns les autres. Fait qu'il faudrait que tu vendes des brosses à dents qui a un petit écran dedans puis un jeu vidéo. Que tu peux faire du mobile! tu connectes avec ton téléphone sur ta brosse à dents, puis là, tu joues à Tetris en te brossant les dents. Gamifier le brossage de dents. On n'est pas loin de ça. C'est sûr que... C'est quoi les compagnies de brosse à dents? Crest? C'est sûr que Crest, ils sont en train de faire ça. Là. Oui, tu sais, là pour les enfants, tu te brosses les dents, là, ça te donne des points dans ton jeu, dans ton app mobile. Oh my God. Ça, t'es gamifié. Ça me rappelle les présentations... Il y avait Jesse Chill, le designer. Là, il fait des jeux de VR, là, mais... Il avait fait une présentation connue en genre 2011 ça devait être à GDC. Je sais de quoi tu parles. Présentation sur la gamification. Puis là, il avait donné une espèce de vision utopique / complètement dystopique sur la gamification de la vie. C'était trop cool, mais en même temps, c'était creepy as fuck. En même temps, c'est super dystopique. Hein? Je veux pas rendre le podcast polémique ou trop politique, mais c'est un peu ça qui est en train de se passer en Chine en ce moment, là, les crédits sociaux. On n'en a jamais parlé de ça. C'est le dark side de la gamification, ça. Un peu de contexte, c'est quoi? C'est le gouvernement, il me semble, qui fait ça? Mais c'est-tu avec l'application WeChat, là? C'est lié à Tencent, donc c'est sûr que c'est ça, c'est comme toute la même affaire tout le temps, mais en fait, selon ce que j'ai compris, parce que c'est pas... On a tous lu un petit peu, là, on n'est pas des experts. Extra Credit, il avait fait un bon vidéo là-dessus, en fait, qui l'expliquait, mais en même temps, tu sais, c'était super bon, sauf que c'est vraiment dur de trouver c'était quoi les sources, fait que tu sais... avec un grain de sel, là, mais selon ce qu'ils expliquaient, en fait, le concept... Puis là, de plus en plus, en fait, dans les dernières années, j'ai l'impression que ça a dû être implémenté, puisque là, on commence à en entendre parler dans les médias de nouvelles plus traditionnelles. Mais le concept, en fait, c'est ça, c'est que c'est un peu comme un genre de Facebook, mais, tu sais, en fait, où tout le monde est un peu connecté, puis dans le fond, t'as des points... Puis c'est comme un genre de crédit social, en fait. Puis plus tu fais t'es un bon citoyen, puis tu fais des bonnes choses, plus t'as des points. Puis moins plus t'es un dissident ou que tu t'associes avec des gens qui ont un mauvais crédit, plus tu perds de points. Puis ces points-là, c'est odieux, là. C'est genre, si t'es ami avec des gens qui sont pas corrects. Puis tu sais, puis l'affaire. Quelque part, là. Puis le problème, c'est que ça a des conséquences, encore une fois, comme selon ce que j'ai compris, c'est que ça va éventuellement avoir des conséquences réelles pour les gens au moment où tu as besoin de faire des demandes de financement, d'hypothèque, tu veux avoir une auto, des choses comme ça. Ou de citoyenneté, des affaires, de passeport. C'est intéressant parce que en Amérique du Nord, dans notre société capitaliste, on a déjà un petit peu ça avec la notion des codes de crédit, ce qui est quand même un peu exactement la même affaire, mais tout runné par l'argent parce qu'on est capitaliste. Sauf qu'après, si tu es un petit peu plus communiste, à un moment donné, c'est plus le en fait l'aspect social qui devient le facteur et le paramètre important. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est de la gamification. C'est... Tu sais, on le sait là, que la gamification, ça a du pouvoir sur le, t'sais, sur le comportement et le cerveau des gens. Fait que ça peut être super cool et super utile comme on le voit en éducation. En éducation, la gamification, c'est vraiment cool. Mm-hmm. C'est ça. Il y a tout en deux côtés à la médaille. Ah, non, mais ça. Je vous ai. Je travaille dans les jeux. J'ai travaillé pendant comme 2-3 ans sur des jeux de casino. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? C'était très éducatif pour un game designer junior. On apprend plein de choses. Mais il y a toujours le petit côté. Je me rassurais en me disant que c'était des jeux free-to-play. Fait qu'en théorie, t'as pas besoin de payer. Puis il y avait effectivement une majorité de joueurs qui ne dépensaient pas d'argent. Fait qu'ils ne jouaient que gratuitement. Mm. OK. Il y avait aussi un faible pourcentage qui mettait vraiment beaucoup trop d'argent. Ouais, c'est ça qui était peurant. Là. C'est justement la petite quantité qui met beaucoup, beaucoup trop. Là. Ouais. Puis après ça, là, on est sur d'autres projets. Puis là, les chiffres sont encore plus gros. Mais c'est ça le free to play, hein? Je suis sûr que genre tu demanderais à. Si on avait accès aux chiffres de Fortnite et Overwatch. Non, Overwatch, c'est un jeu que t'achètes. Ben quoi que tu peux acheter des espèces de loot box. Ouais. Dans tous les jeux comme ça, là. Et je suis sûr qu'ils peuvent te raconter des histoires de gens qui ont mis 80 000 piastres là-dedans. Puis... Les microtransactions. Ouais, non, mais même les petits développeurs mobiles, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très édifiant parce que mon background n'est pas en développement de jeux vidéo, donc je connaissais moins ça. Mais dans les dernières années, ouais, en parlant avec des développeurs mobiles, c'est intéressant. Là. Ben même déjà, je trouve ça drôle, là, le concept, tu sais, la nomenclature qu'on utilise pour ça, là, les gens appellent... Les gros payeurs. Des whales. Tu sais, je trouve ça intéressant, là, le concept de dire, tu sais, plein de petits poissons. T'as les petits poissons, t'as les dolphins, t'as les whales. La relation aussi, moi, j'avais parlé avec un dev qui disait que, c'est ça, il y avait un whale qui avait mis beaucoup, beaucoup d'argent dans son app, mais c'est drôle parce que c'était un gars quelque part en Arabie Saoudite là, qui avait bien de l'argent, puis il disait qu'il avait une relation privilégiée finalement avec les développeurs, tu sais, il leur parlait, il leur écrivait des trucs comme ça, puis tu sais, tu réponds, là, tu veux pas quand t'es quelqu'un qui a englouti des sommes aussi incroyables que ça. Fait que c'est intéressant comment ça change la game d'avoir ce genre de relation-là avec le consommateur. J'imagine que c'est un peu la même chose. Avez-vous fait des affaires avec des YouTubers ou des choses comme ça pour le jeu? On n'a rien... Ben... C'est OK. Moi, j'ai, tu sais, on a répondu à des entrevues, des affaires comme ça. Tu sais, on est allé dans les chat rooms de monde sur Twitch, un peu comme impromptu. Mais vu que notre jeu a été publié, dans le fond, par un éditeur, il y a eu une prise en charge marketing, en fait, qui s'est opérée pas longtemps avant le lancement du jeu. Fait qu'eux, ils ont été beaucoup plus connectés avec les influenceurs. Tout ça. Il y avait du monde de PR qui était dédié à tout ce qui était la presse écrite, là, si on veut. Puis de l'autre côté, il y avait les influenceurs, tout ça. Franchement, je ne suis pas sûre à quel point il y a eu de l'argent d'investi avec les influenceurs. Je pense que c'était plus des questions de relations, là, puis de leur réseau. Mais fait que dans le fond, Cardboard Utopia, vous avez été chanceux parce que vous n'avez pas eu à dealer avec ce morceau marketing-là, dans le fond. C'est ça que je comprends? On n'a pas eu à le faire à 100%. On a eu du support pour ça. Puis oui, on a été chanceux là-dessus. Par contre, on n'a pas non plus... c'est pas non plus arrivé sans qu'on le sache. Là, on a continué de gérer nos canaux de réseaux sociaux. On était quand même sur les planchers d'exposition. On a répondu à des entrevues beaucoup. Mais on n'a pas eu à faire l'entièreté de la chasse aux influenceurs puis aux médias. Puis ça. Ça, c'est long, ça. Ouais. Puis on a redirigé aussi beaucoup des requêtes qui nous étaient adressées en fait à nos représentants de PR. Parce que ça nous était aussi demandé de la part de notre éditeur. mais ça, c'est quelque chose qui est difficile à négocier aussi en tant qu'indie, hein, parce que, tu sais, une des affaires qui était vraiment cool pour les gars, pour Jason en particulier, quand il a commencé le studio, c'était cette relation-là privilégiée avec les joueurs, tu sais, de dire, hey, moi, je peux aller jaser avec le monde, je peux leur montrer le build en train d'être fait, tu sais, je peux être complètement transparent, dire, bon, tout ça. Puis, quand t'as un éditeur, même si c'est un éditeur qui est bien indie-friendly, tout ça, tu prends quand même un petit pas de recul pour faire, ah là, faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, puis quand on le dit, puis à qui on le dit, puis comment on le dit. Fait que ça a été un petit peu pas un retour en arrière, mais tu sais, une petite prise de conscience sur, OK, faut faire un petit peu plus attention, faut faire confiance à notre éditeur. Puis, il a aussi fallu qu'on tienne notre bout des fois, de dire, ben non, on a déjà une relation avec du monde, puis qu'on fonctionne pas non plus comme un gros studio. Fait que, t'sais, il a fallu qu'il y ait de l'adaptation des deux côtés. Sinon, tantôt, tu nous as parlé de toute ton équipe. Tu as parlé de certaines personnes. Là. Tu nous parlais de ton dev super cool. Tu as parlé de Jason. Vous êtes combien dans le studio? Là, on est rendu 7. On a 2 artistes, une artiste 3D, une artiste 2D. On a un programmeur, 2 designers, dont Jason qui est notre directeur créatif, Samuel qui est notre game designer slash... pas game designer, excuse. Game director, pratiquement design director. Il y a moi qui s'occupe de toute la gestion, tout ça, qui fait un petit peu de production high level. Qui fait un peu les communications aussi. Puis on a une narrative designer slash scénariste à temps partiel, avec qui gravitent autour de nous des partenaires contractuels là, qui viennent nous aider une fois de temps en temps, dépendant d'où est-ce qu'on est rendu dans la production. Puis des gens qui ont travaillé en fait sur Cause, qui ne travaillent plus pour nous, mais qui sont encore nos amis, puis qu'on appelle des fois quand on a besoin d'aide. Ça ressemble à quoi une journée typique chez Cardboard Utopia? C'est pas si excitant que ça à raconter, je te dis. Je sais, je travaille en jeu vidéo. Ouais. C'est pas mal une journée typique de n'importe quel développeur. T'sais, nous, on rentre, on est assez flexible. T'sais, c'est ça qui est cool d'être indie aussi, c'est qu'on paye pas tant que ça. On essaie d'être raisonnable dans les salaires qu'on offre, mais on essaie d'offrir un petit peu plus d'indépendance. Donc, on a des gens qui rentrent à 8 heures, on a des gens qui rentrent à 10 heures. On a des gens qui rentrent à 10 heures et demie. 10h30, on a un daily. Donc, on se lève debout, on se parle. Puis après ça, on commence la journée, puis on travaille sur chacun des trucs sur lesquels on a travaillé. On se parle. On a un moyen de communication. Nous, on utilise Slack en ce moment, mais on va probablement bientôt passer à... Comme tout le monde, mais on va probablement bientôt passer à Discord. Puis, c'est le futur qui s'en vient. puis sinon, on se parle aussi, on se tape sur l'épaule. C'est drôle, hein, j'ai des questions beaucoup là-dessus. Non, mais c'est ça, tu sais, j'ai des questions des fois là-dessus quand on parle avec des jeunes devs ou du monde qui veut s'en aller en indie ou whatever, puis qui disent « Ah, mais comment ça marche? » La coordination dans l'équipe, puis c'est drôle parce que en tant que petite équipe indie, tu sais, les gens, ils s'attendent à, tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai pas comme 1 million de départements, là, quand j'ai besoin de parler, tu sais, au narrative director, puis au art director, tu sais, je suis comme, il est là. Pas besoin de passer par la hiérarchie. Oui. Non, c'est ça, je tape sur son épaule, puis j'ai dit, hey, on se parle. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Je suis presque jaloux, en fait. Ouais! Puis là, je dis ça, puis à la job, on est 40. C'est où, toi? C'est pour la fin? En ce moment, je suis chez Ludia. Ah oui, ok, cool! Ouais, non, c'est ça, c'est un bon intermédiaire aussi, ça, ce genre de 16-là, mais tu sais, en même temps, ça vient avec ses avantages et ses inconvénients aussi, là, c'est-à-dire que, tu sais, quand t'es 7, tu sais, comme je te disais, je niaisais tantôt, je fais tout ce que les devs veulent pas, mais c'est un peu vrai aussi, puis c'est... C'est beaucoup, puis c'est un peu ridicule aussi de faire tout ce travail-là. Fait que, tu sais, il faut que tu portes plusieurs chapeaux, puis c'est... il faut que tu sois in sync, tu sais, quand tout est produit par les mêmes personnes, tu sais, puis quand il y a quelqu'un qui est en vacances ou quand il y a quelqu'un qui est malade, c'est comme, c'est vraiment plus difficile. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est toujours comme ça, c'est genre... Okay, c'est le fun, c'est vraiment le fun d'être tout seul. Ah oui, mais tout seul, tu fais pas grand-chose. Dès que tu as une idée un peu plus grosse, c'est super long. Puis quand ça va pas, ben ça va pas. Là, tu te dis, ah oh, ben là, je vais. une petite équipe, 10 personnes. Ah, c'est vraiment le fun, 10 personnes. Ouais, mais tu fais pas des gros jeux non plus. Ah, bon, mais 50 personnes. Ah, là, c'est bon, là. Ouais, mais si tu veux faire Assassin's Creed, ça là, prend 2000. Ouais, c'est ça. Puis là, tu commences à avoir de la bureaucratie, puis tu commences à avoir, tu sais, du niaise. Parce que là, t'as besoin d'un département. Puis, ouais, c'est ça. Le département de RH, le département des IT, le département de la comptabilité. Oui, ouais, mais gérer des équipes, là, tu sais, c'est pas facile. Moi, je regarde les studios, tu sais, intermédiaires, même les équipes de 20, là, je suis comme, tabarouette, c'est de la job. Puis, tu sais, faut pas oublier que plus t'es gros aussi, plus, tu sais, quand t'es indie, tu te dis, ah, quand t'es tout seul, c'est cool, quand t'es 4, c'est cool. Être directeur créatif, c'est tout le temps challenging, peu importe. Mais, tu sais, quand t'es 7, déjà, ça commence à être OK, tu sais, faut que tu donnes. Mais quand t'es 50, là, hey, il faut que t'aies confiance en tabarouette, tu sais, à ton équipe, puis le monde en dessous de toi, parce qu'il faut que tu laisses beaucoup, tu sais, il y a du monde que tu verras pas. Tu verras pas travailler pendant 2 mois, tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh oui. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est fou, ouais. Ça. Moi, c'est pas ma réalité pantoute, là, tu sais, j'ai mon artiste est à côté de moi, chaque jour, je le vois ce qu'elle produit, tu sais. D'imaginer de me dire que peut-être que pendant 2 mois, je vais être dans mon bureau à faire du biz dev, blablabla, puis que je sais pas ce qui est produit jusqu'à ce qu'on fasse notre rencontre à chaque semaine, puis que là, ça percole jusqu'au lead, puis tout ça. Mais c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne dans les grosses compagnies. Mm-hmm. Mais c'est une réalité qui est différente. Hein, il faut que tu aies plus de... des nerfs d'acier. Puis, tu disais tantôt que ton background était pas nécessairement en jeu vidéo. Pas à tout. Non, moi, j'ai un background en linguistique, en enseignement, en orthophonie. Donc, wow. Ouais, j'ai en fait, avant de jouer en jeu vidéo, avant de travailler en on jeu vidéo. On fait rien que ça, hein? Mais juste ça! On joue à journée longue. Il n'y a pas personne qui travaille. Non, c'est ça. On peut avoir des horaires flexibles, on fait rien. Et chill tout le temps. Unity qui fait tout. Oui, ça te pèse sur un piton. Ben oui, tu downloads le plugin sur Unity at the start, tu pognes le plugin JRPG, tu pognes le plugin D, le plugin carte, puis le plugin tactical. Tu mets ça ensemble. C'est facile. 3 lignes de code, tu fais play, puis là, oh, mais tu sais, ça marche. Random game generator. Alors. Mm-hmm, mm-hmm. Mais ouais, non, c'est ça. Avant d'être en jeu vidéo, en fait, ma carrière la plus récente, c'était en orthophonie. Mais j'ai travaillé dans les hôpitaux pendant quelques années. Puis là, finalement, je me suis tannée de ça. J'ai décidé de réorienter ma carrière. J'ai commencé une maîtrise en sciences de l'information, en fait. Bibliothéconomie, archivistique, ça touche beaucoup à ça. Puis mon focus de recherche, c'était sur les développeurs indépendants. Ça a comme adonné, en fait, que pendant que je faisais ce changement de carrière-là, j'ai rencontré Jason, qui est devenu mon partenaire. Puis lui, il était en train de se partir une compagnie. Donc, on s'est comme un peu accompagné dans notre changement de carrière, changement de vie. Puis, ah oui, autant pour toi que pour lui, mais oui. Ouais, tu sais, puis à un moment donné où lui, en fait... Lui, c'était un développeur de talent, tout ça. Ça faisait, il avait de l'expérience, il savait comment aligner sa production. Mais c'est comme un peu le classique de tous les petits indies. Puis tu sais, c'est drôle parce que... Puis même les moyens gros indies, là, c'est quelque chose que je vois tellement souvent maintenant dans les discours des gens, que tu sais, t'es capable de runner sur la notion de ton projet pendant peut-être un an et demi. Puis à un moment donné, l'agence de revenus frappe à ta porte et te dit « Hey, t'as besoin d'être une entité légale, mettons. » Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Ben, Jason, il avait déjà enregistré le studio, tout ça, là, mais t'sais, la réalité d'avoir à gérer des réunions du conseil d'administration à chaque année, d'avoir à gérer le payroll, d'avoir à faire de la tenue de livre, des choses comme ça, ça a comme commencé par ces besoins-là qui devenaient un petit peu plus criants. Puis moi, j'ai dit, c'est juste la gestion d'organisation, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'organisé, j'ai dit, je vais t'aider avec ça. Fait que moi, j'ai commencé à travailler pour le studio un petit peu comme ça, puis finalement, on s'est rendu compte que les besoins au niveau de l'administration puis de la stratégie, en fait, devenaient quand même plus grands aussi. Fait que j'ai pris une place qui était un petit peu plus, c'est ça, un petit peu plus grande, là, en termes d'essayer de tenir la business puis la production ensemble. Mm. Fait que même si j'avais aucun Moses de background là-dedans, j'avais un intérêt pour les jeux quand même, là, t'sais, depuis toujours, j'avais un intérêt pour les développeurs indie, c'était aussi le sujet de ma recherche. Mais c'est ça, j'ai appris beaucoup sur le tas les deux dernières années. C'est comment, j'étais pas obligé de répondre si c'est une question un peu trop personnelle, mais c'est comment être travailler avec son partenaire? C'est une super bonne question, ça. Puis c'est une question qu'on pose pas souvent. Puis je suis pas la seule, même ça, à Montréal. Là, puis surtout avec les petites entreprises, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je travaillais déjà pour un... Oui, parce que à travers toutes mes affaires, j'ai aussi travaillé pour un prof des HEC, en fait, qui faisait du coaching de développement de petites entreprises. Ça a comme super bien à donner puisque j'ai appris beaucoup de lui à ce moment-là où on se développait. Puis, tu sais, il y a souvent le concept dans les startups du love money. Où ce que tu dis que... money. Ouais. Ou c'est, tu sais, dans tes stratégies de financement de ta petite entreprise, en fait, tu vas essayer de te trouver de l'argent un petit peu partout pour comme démarrer ton entreprise. Puis une des sources de financement, c'est le love money, qui est en fait le money, qui est l'argent que tu reçois de ta famille, en fait, puis des gens qui sont proches de toi. Mais donc il y a la notion du love money, mais il y a aussi la notion du love labor, tu sais, qui est finalement que le monde de ta famille finisse par travailler avec toi. Même, ça a l'air... Ça a l'air de l'esclavage. Ça a l'air un petit peu exploitatif. Mais ça l'est un petit peu, puis pas, tu sais, au sens où c'est sûr que si tu as un investissement personnel dans une personne, tu vas avoir un investissement aussi qui va être un petit peu plus grand dans ses affaires. Puis moi, c'est vrai que je me suis pas payé full là, quand j'ai commencé à travailler là, parce que c'était le but, c'était d'essayer d'amener cette business-là quelque part. Donc, c'est quelque chose, tout ça pour dire que c'est quelque chose de super commun, tu sais, de voir des partenaires en affaires, des familles en affaires, tu sais, des choses comme ça. Fait que... Une entreprise familiale. Ben, c'est un petit peu ça. Fait, ben, tu sais, Ubisoft, là, c'est une entreprise familiale, hein? C'est un petit peu quelque chose aussi dont tu parles... souvent, mais ouais, tu liras sur les fondateurs, tout ça, là, c'est une dynastie. C'est les frères Guillemot, genre, je pense. Ouais, c'est ça, la famille Guillemot, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que toi, c'est quelque chose d'assez commun en entrepreneuriat. Par contre, effectivement, moi, mon coach, justement, le professeur pour lequel je travaillais, il disait, les partenaires en affaires, il dit, si ça va pas, ça va pas, tout est en feu. Mais il dit, quand ça marche bien en tabarouette. Puis c'est vrai que, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à négocier. Hein, tu sais, puis surtout une start-up, un petit studio, tu sais, à un moment donné, là, Jason puis moi, on était ensemble, tu sais, 4 heures sur 24 tout le temps, là, tu travailles ensemble. Mais oui, c'est parce que c'est ça l'affaire. Tu te vois tout le temps. Fait que ça prend une certaine solidité, tu sais, faut que tu saches, dans le fond, vers quoi, faut que tu te mettes des boundaries, faut que tu te mettes des limites à ce que t'es prêt à apporter. Puis, tu sais, tantôt, je te disais, le love labor, là, c'est très, très vrai, tu sais, à un moment donné, si tu es tout le temps dévoué à la cause, tu vas finir par effectivement te brûler. Faut que tu te mettes des limites, faut que ça soit clair, faut que, tu sais, ce qui est la business, puis ce qui est ta vie privée soit aussi limité. Nous, on était un peu sur puis c'est un peu particulier parce que moi, j'ai pas starté la business avec Jason. Fait que dès le début, ça a comme tout le temps été ça aussi où, tu sais, on a essayé d'être super transparent avec tout le monde, de dire, écoutez, est-ce que tout le monde est à l'aise avec le fait qu'André vienne travailler? Tu sais, on le dit tout le temps avec nos partenaires, on veut que tout le monde soit à l'aise, tu sais, de la relation qu'on a, puisque ça a une définition légale aussi, là, on n'est pas arm's length, comme ils disent. Donc c'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail de définition à faire. Mais au final, ça a aussi beaucoup d'avantages parce que c'est sûr que, tu sais, comme je te disais, moi, j'aide un petit peu avec la stratégie, la gestion, des choses comme ça. Puis, tu sais, vu qu'on a une communication qui est plus personnelle, on n'a pas à se faire des ronds de jambes, tu sais, quand on a à se dire des choses. Puis, tu sais, quand on a à gérer avec la réalité de ce qui se passe, que ce soit financier, stratégie ou quoi que ce soit. on est capable d'être honnête puis franc, puis ça, je pense que ça nous aide. Par contre, une affaire qui est intéressante avec Cardboard Utopia, c'est que Samuel Daher, qui est notre game director, qui est aussi partenaire de la compagnie, qui est aussi très impliqué dans la gestion, puis moi, je vois pas le studio comme étant tant genre un gars puis sa blonde qui gère le studio, mais en fait, on est plus comme une équipe à trois quand on a à prendre des décisions. Puis ça, c'est... En fait, moi, je pense que ça, c'est notre force. C'est l'affaire qui est vraiment cool parce que t'es jamais pogné quand t'es trois. Tu sais, il y a tout le temps... C'est un beau nombre impair qui permet de... juste pour pouvoir trancher une décision. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es jamais pris dans une discussion parce que tu sais, il va toujours y avoir quelqu'un qui va, tu sais, il va toujours y avoir une majorité quelque part. S'il y a un conflit, il va, tu sais, c'est plus facile d'avoir une médiation, des choses comme ça. Fait que c'est drôle un peu parce que souvent les studios ils se partent à un, à deux, tout ça, mais c'est comme plus rare de voir une espèce de d'organisation de tête à trois. Mais moi, je trouve que ça a super bien marché pour nous. Puis ça a fait aussi en sorte qu'on était, c'est ça, pas juste un couple, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi, fait que ça garde les affaires plus fluides. Ça prend une triforce. Une triforce du développement! Oh yeah! Tout à fait. Paraît que tu joues à Zelda Breath of the Wild? Oh yes! Finally! Finally! Écoute... On rentre dans le vif du sujet... Tu sais pas tout le vécu que j'ai avec ce jeu-là. Moi, je suis un Nintendo kid through and through, puis Zelda, ça a toujours été comme une des grosses franchises, tu sais, qui m'a accompagnée dans ma vie. Puis, tu sais, ça, c'est un truc qui est intéressant. Hein? J'avais lu un article justement quand j'étais un petit peu plus sérieuse dans mes études en sciences de l'information, qui parlait de la consommation de bandes dessinées. Qui disait que quand tu étais jeune, tu consommais beaucoup. Puis à un moment donné, tu sais, dans ta mi-vingtaine, tu avais comme une espèce de drop. Puis là, quand parce ça que. Ça devient comme ah, oh, c'est une affaire d'enfant. Ben, ou plus quand. Ouais, ça. Puis aussi, tu es comme un adulte sérieux qui a une vie, qui a beaucoup de responsabilités, que là, c'est dur. Puis là, à un moment donné, à 35 ans, tu es comme. Là, tu es plus établi dans ta vie, tu as fini de faire tes études, whatever. Puis là, tu as de l'argent. Fait que là, tu recommences à en consommer. Puis moi, il n'y a pas d'études là-dessus encore que j'ai constaté, mais je suis certaine qu'il y a beaucoup de consommateurs de jeux vidéo puis que ça va s'en aller vers ça de plus en plus quand on va comme normaliser le médium. Moi, j'ai vécu ça un peu où j'ai eu une drop où je jouais presque plus dans ma vingtaine, mais quand il y avait un Zelda qui sortait sur console, par contre, là, je passais des nuits blanches dessus. Fait quand Breath of the Wild a été annoncé, moi, je couinais comme une souris en regardant les trailers. Je ne me pouvais plus. Je ne vivais que pour ça. Et pourtant, ça a pris tellement de temps avant qu'on s'achète une Switch, bizarrement. Puis finalement, j'ai jamais eu le temps. Puis là, il y a notre ancien programmeur qui est encore notre ami, qui, lui, se l'est acheté quand il est sorti, qui a tout joué. Puis à un moment donné, il est arrivé au bureau, puis il dit « Tain! Je te le prête! J'ai fini avec! » Puis j'étais comme... fait que là, je suis en train de jouer à Breath of the Wild. Enfin! Le miracle est arrivé. Mais par contre, je fais de l'anxiété parce que, oh mon Dieu, que ce jeu-là est gros, puis que je t'as pas à tout faire. On sait toute ma vie là-dessus. Je peux pas dire ça! Je peux pas tout faire! Oh non! C'était comme ça, toi! Mais non, je suis pas. Ok, d'abord, fais tout avant de finir le jeu, parce que tu peux plus revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas vrai. Je suis pas une completionniste tant que ça. Je suis plus. Mais le problème, tu vois, c'est ça le problème. C'est que, tu sais, là, la théorie des quatre types de joueurs, là, tu sais, les sociaux, les completionistes, les ci, les ça. Moi, je suis une exploratrice, tu sais, fait que je m'en fous de tout finir, mais je veux voir tous les raccoins, surtout sur le plan narratif. Tu sais, je veux être sûre que j'ai expérimenté toute l'histoire. Fait que dans un jeu comme Breath of the Wild, le problème, c'est que tu merges un peu les deux, tu sais. Moi, je suis pas là parce que je veux ramasser chaque roche, mais je veux être sûre d'avoir été partout d'un coup que, je sais pas, il y a un NPC qui a quelque chose de vraiment le fun à me dire. Oui, je pense qu'il y a des souvenirs de cachés partout. Oui, c'est ça! Oh my God! Ouais, fait que ça, ça rend la vie difficile. Non, mais tu sais, t'as donné une idée, là, récemment, justement, là, j'avais fini le premier donjon, puis là, ça m'énervait vraiment trop, fait que je suis partie sur une mission où je suis allée chercher toutes les tours parce que j'avais besoin d'avoir la carte au complet. Mm-hmm. Puis là, maintenant que j'ai la carte au complet, je vois tous les raccoins que j'ai pas explorés encore. C'est comme une giant to-do list. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est le genre de jeu qui me fait des affaires comme ça. Puis le seul autre jeu qui brise mon cerveau comme ça un petit peu aussi, c'est Don't Starve. Don't Starve, ça me fait vraiment ça aussi. Mais tu peux pas tout explorer dans Don't Starve? Non, mais c'est comme fait pour que tu penses que tu puisses. Que ton cerveau, il fait comme « Attends, il faut que je continue d'aller là. » Puis, tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Eh non, mais tu sais, quand on parlait tantôt de freemium, là, puis de ben, on parlait pas de Skinner Box, là, mais tu sais, de comportement de joueur. Moi, je suis pas quelqu'un qui se fait prendre dans un Skinner Box facilement, tu sais, les jeux comme ça de Facebook. Tu sais, même si je commence à jouer, je vais m'écœurer super vite, tu sais, je me... Mais Don't Starve, là, ça me rend débile. Je joue à ça, là, puis, tu sais, 8 heures plus tard, justement, mon copain vient me chercher, j'ai de la bave, tu sais, puis il est comme « Tu veux-tu manger? » Je attends, il faut que je fasse autre chose. ça vient chercher vraiment le sweet spot, tu sais, de Skinner Box, là, dans ma tête, où ce que je suis comme, je suis pas capable d'arrêter, tu sais. Parce que le terme qui serait peut-être un peu plus positif à utiliser, ça serait plus comme le flow, le game flow? Ouais, I guess. Qu'est-ce que tu peux appeler ça comme ça? Ça devient tellement pathologique. Ouais. Non, mais t'as raison. Je pense pas que ce soit véritablement un cas de... Ouais, comme tu dis, de Skinner Box, c'est un peu péjoratif, mais effectivement, il y a un flow qui fit parfaitement avec la réponse cognitive que j'en ai. T'sais. Puis les Zelda, cette franchise-là a historiquement eu beaucoup cet effet-là sur moi aussi. Je me souviens quand... On voit les similitudes entre les deux jeux quand même. Ouais, non, c'est ça. Ben oui, puis tu sais que tout est fait parfaitement justement pour que tu aies justement tout le temps quelque chose à faire. Sauf que là, avec Breath of the Wild, c'est encore pire parce que là, juste, vu que c'est moins linéairement scripté, c'est toi qui te l'as fait ta to-do list, tu sais. Fait que là, t'es pogné. Ton cerveau a toujours quelque chose de plus. Comme, oh, ça a l'air le fun là-bas. Oh, ça a l'air le fun. Oh, mais là, faut que je fasse ça. Ouais. Fait que là, t'es en train de dire, dans le fond, que je suis chanceux de pas avoir de Switch. Ah, ben, je sais pas si t'es chanceux. Ben, tu sais, moi, je suis une de ces personnes finies qui achète la nouvelle console de Nintendo pour le nouveau Zelda, là. J'ai pas encore une édition Wii U. Ouais, mais bon, tu sais. Mais je t'avoue que j'ai été un peu surprise parce que moi, comme une tourloune. Quand j'ai commencé à jouer à Breath of the Wild, je l'ai pris dans mes mains, puis j'avais encore des flashbacks de Skyward Sword, puis là, j'ai dit, non, mais attends, on n'utilise pas les Joy-Con? Puis j'ai dit, ben non, il n'y a personne qui voulait ça, on s'en fout. Puis, ouais, c'est ça, le monde ne voulait comme pas tant, je pense. Mais attends, vous avez fait une nouvelle console avec plein de potentiel, puis là, votre flagship game utilise aucune des fonctionnalités comme originales de votre console. Ça m'a un peu fait exploser le cerveau. Parce que moi, c'était comme une des raisons pour lesquelles je me disais, ben, je sais qu'il y a une version Wii U, mais je m'en fous, je vais aller la chercher sur la Switch parce que je veux comme le plein potentiel. Tu sais, ce qui est un petit peu le cas de Mario Odyssey, là, que tu peux utiliser, tu sais, le screen, puis les Joy-Con, puis whatever. Moi, mais je m'attendais à quelque chose un peu comme ça. T'es pas obligé, mais tu peux. Ouais. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal parce qu'ils voulaient vraiment commercialiser ça comme une console portable aussi. Donc là, tous leurs jeux, il y a comme le moyen de les jouer sans détacher les Joy-Con. Puis là, tout le monde se dit, mais vous utilisez vraiment pas le potentiel de vos gyroscopes. Ouais. Mais c'est juste parce qu'ils sont comme, ils veulent comme pas se couper d'options. Ouais. C'est mais comme le touchscreen, tu sais, le touchscreen est vraiment fort. Mais il y a rien qui l'utilise. Mais c'est ça, c'est plate parce que... C'est vraiment plate. Puis surtout parce qu'après, tu sais, on parle un petit peu de ça, puis nous, en tant qu'indie, tu sais, on veut développer, mais après, en plus, Nintendo, ils sont quand même assez stricts sur les affaires qui te permettent ou qui te permettent pas de faire avec ça. Puis c'est pas facile pour un indie, mettons, de développer, tu sais, avec ces nouvelles features-là, tu sais, à fond la caisse. Fait que c'est comme, c'est vous autres, là, qui devez supporter ces affaires-là. Ouais. Comment? Mais, ouais. Si eux, ils font même pas. Non, c'est ça. Mais ça reste que quand même, oui, la Switch, pour la mobilité, c'est une petite console quand même. C'est bien sympathique. Mais, ouais, mais oui, effectivement, j'ai hâte d'aller explorer les autres jeux parce que j'ai pas joué à grand chose d'autre là-dessus. Moi, j'attends encore que quelqu'un qui a une Wii U ou une Switch accepte de me le prêter pour que je puisse jouer à Zelda. Ouais. Ça va être tout. Pourquoi qu'il n'y a plus ça, hein? Moi, quand j'étais jeune, on pouvait louer des consoles. Ça n'existe plus? Des places où ce que tu peux louer des DVD ou des jeux, ça existe plus bien. Parce que c'est rendu plus difficile à trouver. Il y a Vidéotron, je pense, encore, mais c'est tout. C'est tout. Ah. Où est-ce que tu loues tes jeux, Anne-Marie, toi? Mais le pire, c'est que j'y songeais, là, genre, ça fait un bout de temps que je voulais qu'on loue, tu sais, comme des jeux de Telltale ou des jeux que tu vas rejouer comme juste comme une fois ou deux, puis tu peux prendre un week-end là-dessus, là. Mais ça fait plein de fois que je me dis que je vais le faire, puis je l'ai pas fait. Fait que là, en gros, faudrait que je me grouille parce que ça va disparaître. Les bibliothèques à Montréal, je sais pas ailleurs, mais je sais que le réseau de bibliothèques de Montréal a quand même une bonne collection. Ouais. Ah, c'est pas fou, ça. Les disques sont un peu graffinés, mais au club vidéo, les disques étaient tous graffinés pareil. Ben, ils ont une resurfaceuse, là, ils s'arrangent. Par contre, je pense pas que les bibliothèques louent les consoles. Faut que tu t'arranges pour ça. Fait que là, faut que je me trouve quelqu'un qui a une console, qui accepte de m'apprêter. Je pense qu'on a le jeu à job dans la bibliothèque qu'on peut emprunter. Là, faut que j'attende que quelqu'un, que les gens arrêtent de jouer à Zelda. Mais là, je veux pas être... Oui, excuse. Non, vas-y. Je vais dire, je vais pas être égoïste, là, mais demain, il y a Mario Party qui sort, fait que ma Switch, elle va se faire utiliser à la maison. Là. C'est ça. C'est... Je m'attendais à ce que, genre, la Nintendo fasse, tu sais, comme d'habitude, ils sortent un ou deux jeux par année, fait que, tu sais, c'est comme, ça crée des temps morts, mais là, comme tout le monde joue à leur Switch tout le temps, ils veulent pas me l'emprêter. Quand même, c'est niaisage. Alors, mais ils ont frappé fort le Nintendo avec la Switch, puis c'est pour ça, là, c'est puis je pense qu'ils ont anticipé aussi le coup au niveau de leur catalogue, là, ils ont bien fait ça cette fois-ci, en termes de sortie, mais ouais. Mario Party, ça aussi, c'est un autre jeu OG, moi je me souviens, là, ado, là, quand le premier était sorti, ça a 64, là. Est-ce que tu fais partie de la génération? On s'est déchiré le pomme des mains avec ça. Exactement ce que j'allais dire. Les ampoules dans la pomme. Ah oui, oh mon Dieu. Puis tu sais, c'était comme un badge d'honneur. Là. T'arrivais à l'école, là, puis t'avais la peau qui relevait, c'était gros comme un 25 cents. Puis t'étais comme, comment que je me suis fait mal? Je me souviens, Nintendo, il y avait eu un recours collectif, il avait envoyé à tout le monde des gants. Tu pouvais appliquer... Non. Puis là, il t'envoyait un gant. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, il changeait les joysticks là, gratuitement si t'envoyais ta manette. Ah, je pas le choix. Ça affectait tout le temps ces enfants-là, le sprint décrissait. Hey, c'est drôle. Un ça. Gant. Ça, c'est un gant. Il y a eu le. Mais tu sais, il y en a eu. C'est dans l'histoire de Nintendo, c'est ça. Là, t'as eu le gant. T'as eu, quand il y a eu la Wii, là, les gens qui gorochaient leurs manettes partout, qui cassaient la dragonne. Fait que là, tu pouvais commander sur le site de Nintendo des dragonnes plus résistantes. Le fil était un petit peu plus épais. Fait que là, tu pouvais remplacer ça. Puis là, à un moment donné, ils ont fait... j'imagine que les gens continuent à pitcher leurs manettes partout. Fait que là, ils ont fait le... En tout cas, nous, on appelait ça la glu. Tout le monde appelait ça le condom. Ah! Ben oui, ouais, j'en ai pour toutes mes manettes, ça, l'espèce de sheath là, qui est comme un peu gross. C'était comme en silicone, on appelait ça la glu. Mais en même temps, mais ça, c'était plus le fun aussi parce que tu sais, les manettes de Wii tout seul là, sont petites et pas ergonomiques. Pantoute. Ouais. Avec la glu, là, t'es comme, OK, là, j'ai l'impression d'avoir de quoi dans les mains. Attends. T'es-tu en train de dire que vous appeliez ça de la glu, vous autres, avec? Non, moi, j'ai jamais entendu les mots que t'es en train de me dire. J'essaie juste d'utiliser ton vocabulaire. Ah, d'accord. OK, mais d'abord, comment toi, tu les appelais? Oh, mon Dieu, c'est quoi le mot en français pour ça? C'est juste un cover qui n'est pas du tout un mot français. Des protecteurs. Des protecteurs, un cover. Oh. Ouais, c'est le même qu'on appelait ça. C'est mon frère. Ah, donne-moi la manette avec la glu. Je comprends de quoi tu parles. Parce qu'on avait une avec la glu et une pas de glu. Mais c'est drôle que tu dis ça à les affaires comme ça parce que tu sais, je te parlais tantôt de la strictité de Nintendo, là. Tu sais, il y a des exigences par rapport à ce que tu peux faire, tu sais, avec les Joy-Con, justement. Ouais. Parce que, oui! Ben... Puis il y avait il y avait aussi des... Attends, comment t'appelais ça tantôt? Quand Nintendo ou les manufacturiers de consoles, ils ont comme des guidelines là, qu'il faut que tu respectes. Des SDK? Ouais, les... Ben, je sais pas. Il faut que t'envoies ton jeu, il se fait évaluer, puis vous avez été chanceux, ça a pris juste 3 jours. Ah, la certification! Ouais, certification, c'est ça. Je pense qu'il y avait des règles dans la certification comme quoi que si tu montrais une manette de Wii, il fallait que tu la montres avec glu. Parce que là, il fallait que tu montres là, genre, la bonne utilisation de la manette, c'est toujours la dragonne. La dragonne. N'oubliez pas d'attacher la dragonne. Faites attention à votre chat et à vos meubles autour et mettez votre glu. Avec glu. Ah, c'est drôle. Quoi ça? Il n'y a pas personne qui appelait ça de même? Il y a juste moi? Mais je pense que ça dépend. T'en avais-tu des transparents? Si t'as des transparents, je comprends le Nintendo, concept. Oui. Mais non, mais moi, j'en ai qui sont solid color, là, fait qu'ils n'ont pas l'air de la glu parce qu'ils sont pas transparents. Mais j'en ai déjà vu des transparents, puis oui, effectivement, ça a l'air d'une glu. Là, c'est comme... Un condom, oui. C'est ça, en silicone. Oh boy. Oh my god, je trouve ça vraiment drôle, tout ce qu'on est en train de dire, parce que quand on s'est parlé au Gameplay Space, t'avais la présentation que t'avais faite, c'était très comme business, organisé, je m'occupe du studio, je m'occupe de la gestion. Serious business. Puis genre, tu sais, comme un peu... on a jasé un peu aujourd'hui, là, on s'est échangé, préparé l'émission. Et là, ça a à peu près 2 minutes que le côté geek est sorti, alors là, à fond. Ben écoute, on est tous des geeks, hein? C'est drôle. Bon, on parlait avec mon comptable l'autre fois, tu sais, puis il dit, ouais, mais dis ça, là, êtes-vous tous des gamers? Comme s'ils pouvaient pas en avoir autant au même endroit, tu sais, ça se passe juste pas. Ils sont tous rassemblés dans la même place. Tu sais, ben, il faut peut-être un petit intérêt pour. Il y a des gens comme qui ont honte. Ma soeur en fait partie. C'est comme la notion d'installer un jeu sur son téléphone est une aberration. Comme, oh my god. T'as un super bon téléphone, là. Tu pourrais jouer à mon jeu de la job, là. Essaye-les juste pour voir. C'est comme, mais moi, je suis une activiste aussi au niveau des médias. Puis j'ai une défense intellectuelle parce que j'étudie ça aussi, tu sais, d'un point de vue académique, comme je te dis, en études bibliothéconomiques, tout ça. Puis moi, je prends pas juste le parti que c'est le fun, j'aime ça les jeux, mais moi, je considère que le jeu, c'est un médium puis une forme d'expression artistique légitime, puis j'ai des arguments, puis j'ai des opinions par rapport à ça, fait que je me sens pas mal du tout d'être geek, puis de m'intéresser à cette culture-là. Puis c'est intéressant, parce que, tu sais, dépendamment des cercles dans lesquels t'évolues aussi, tu sais, dans mes cercles d'amis en santé, je suis vraiment très, très, très nerd, tu sais, alors que à travers, tu sais, avec les gens avec qui je travaille au studio, je suis comme semi, tu sais, je joue, puis je connais des trucs, tout ça, mais... Tu veux dire par rapport à l'entourage? Ouais, c'est ça, tu sais, je suis pas aussi geek, puis aussi gamer que ben du monde, là, puis Dieu sait que sur certains forums, je ne serais jamais considérée comme une gameuse. Oh! Quel bullshit! C'est un spectre! Une vraie de vraie... Sont où tes cartes de gamer? Non, c'est ça! T'as-tu ton gamer cred? Mais moi, je vis très bien avec ça. Hein. Je suis en Air State Development de Nintendo, puis mes jeux préférés, c'est des jeux d'enfants. Tu sais, je veux dire, moi, je trippe sur Katamari, je trippe sur... Mon remaster! Ah oui, je sais! Je suis tellement excitée! Moi aussi! Tu sais, je joue pas nécessairement des affaires Grimdark. Jason, c'est un gros, gros fan de Binding of Isaac. Moi, j'ai essayé de jouer une fois. J'ai pitché la manette au bout de mes bras. Je suis même pas sorti de la prom... Parce que je suis pas... Mon cerveau, il marche pas de même. Je suis pas capable de faire ça. Mais, ouais, mais... non, moi non plus. Bullet, ouais, c'est... Mais c'est... Tu sais, mais un jeu, ça reste un jeu. Puis même si tu consommes pas le même genre de jeu ou que t'es pas dans le même genre de fandom. Moi, je suis à l'aise avec le fait que... C'est ça, j'évolue dans d'autres milieux où je suis considérée comme une super geek, une super gamer. Faudrait qu'ils fassent un remake de Binding of Isaac, mais genre avec des licornes pis des confettis. Juste un mode, comme un mode. Ouais, ça remplace tout le dégueulasse. Mais c'est pas le gore qui m'écœure dans Binding of Isaac, c'est le fait que je suis vraiment, vraiment nulle avec les Twin Sticks. Je suis incapable de gérer ça. Moi, je suis une grande fan d'horreur, j'ai aucun problème avec ça. Et oui, mais en plus, parce qu'il faut que tu sois en ligne droite pis là, il faut que tu utilises les boutons. Pas capable. Non, mais c'est pour ça que, tu sais, comme je te dis, tu sais, les trucs. Puis même, écoute, moi, je joue à Zelda, là, puis quand vient le temps de battre un boss, là, je grimpe au rideau, puis je viens comme stressée, parce que là, il y a du combat qui se passe. Tu sais, j'aime ça les affaires contemplatives, un petit peu, là. J'ai eu bien du fun à jouer à Journey. Oh, mais là, Journey, c'est full bon. Ouais, Journey, c'est full bon. Mais tu vois, ça, c'est un exemple de jeu que c'est le fun d'apporter puis de dire comme « Here's some art ». Tu sais, tu peux pas chialer contre Journey. Tu sais, tu peux pas dire que ça rend débile ou quoi que ce soit. Puis tu peux le décortiquer aussi académiquement beaucoup, puis tu peux le valoriser, puis tu peux le défendre. Fait que j'en ai une couple de même, là, tu sais, dans mon petit sac que je sors une fois de temps en temps pour faire comme « Non, mais t'as peu, là. C'est noble. » Mais c'est il faut, je veux dire. C'est ça, quand t'as écrit sur la feuille de route, t'as dit « Ah, je suis un peu gêné là, de mettre la liste des jeux que je joue. Moi, je suis plus rétro, pour les vieux jeux de 1 ou 2 ans. » J'étais comme « Yo! » Je t'ai pas répondu, j'attendais de pouvoir te le dire maintenant. Je suis comme « Hey, t'es à « On a juste une vie ». Le podcast qui donne comme « Game of the Year », des jeux vieux de 5 ans. Parce qu'on y a joué cette année. mais c'est cool parce que c'est vrai que, tu sais, ça prend une place un peu pour ça, hein, parce qu'il y a quelque chose aussi, tu sais, le fait que le jeu, ce soit quelque chose de techno aussi, ça fait en sorte qu'on vit au rythme de la sortie, des consoles, puis des jeux, puis il faut tout le temps que tu aies joué au dernier jeu, puis tout ça, puis j'ai pas le temps, puis j'ai pas l'argent de faire ça. Tu sais, c'est compliqué. C'est un sport, là. Mais après, tu sais, je veux dire, il y a des espaces dans tous les autres médias pour ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont au courant des sorties littéraires à chaque saison, puis qui sont là pour ça, pour critiquer ça, puis c'est cool. Mais tu sais, toi, puis moi, dans la vie, là, on n'est pas tout le temps en train de lire le dernier livre qui est sorti. Ah, on peut lire Harry Potter 5 ans après qu'il soit sorti. Ah, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, ça prend une place pour ça aussi. Mais tu sais, c'est juste que dans les espaces vraiment très, tu sais, vidéoludiques, tout ça, moi, j'ai tout le temps de la misère un petit peu parce que, tu sais, puis oui, mes collègues sont tout le temps sur les derniers gros RPG qui sont sortis, puis moi, je suis comme, ben, en ce moment, je suis vraiment en train de triper sur Earthbound parce qu'on s'est acheté SNES classique, puis c'est merveilleux. C'est bon, c'est full bar Earthbound. Ouais, c'est cool. Non, redécouvrir ça, c'est que c'est gros en plus, là, tu dis, oui. À l'époque. Ah oui. J'ai un peu honte de le dire, mais moi j'ai joué le jeu tel que recommandé par son créateur. C'est-à-dire il faut que tu lises tous les dialogues à voix haute. Oh, OK, ça c'est un peu gênant, là, mais révélation. Généralement, Jason, puis moi. Mais ça, je me suis rendu compte en regardant les YouTubers qui jouaient à Children of Zodiac qu'apparemment qu'on n'est pas tout seul de même dans la vie, toi puis moi, puis Jason, mais le monde aime ça, acter les dialogues de RPG. Oui. C'est juste le fun, ça fait partie du truc. T'sais, nous autres, on se fait des voix. Écoute, on a joué sur la SNES classique, il y a Final Fantasy VI. Là. On a des voix pour tout ce monde. Ça, c'est si bon. Il y avait toujours un dialogue, c'était la même chose. C'était super le fun. À un moment donné, on avait fait des tweets, puis on avait mis... On avait mis différents YouTubers là, qui faisaient des voix de la protagoniste. Comme, aimez-vous mieux le rendering de Jesse Cox ou le rendering de... C'était comique. C'est comique de voir à quel point. C'est drôle parce que les influenceurs, les YouTubers, des fois, là, tu vois qu'ils aiment vraiment ça, là, puis qu'ils se donnent, puis qu'ils ont comme des vidéos professionnelles. Oui, mais ça pogne, j'imagine, là. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, après, bon, tu dois dire que ça reste que c'est un petit jeu, mais en même temps, je peux comprendre que si ton trip en tant que entertainer, c'est de jouer à des gros RPG sales, tu sais, t'en as en maudit du dialogue, là. Puis si tu fais juste cliquer et faire comme « next, next », c'est pas super intéressant pour la ouais, personne qui t'écoute, tu sais. Puis elle peut pas suivre, là. Ah, c'est surtout, ça, alors que, t'sais... Surtout qu'il y a beaucoup de monde qui écoute des streamers comme en background en faisant d'autres choses. Fait que tu les écoutes plus que tu les regardes. Ouais. Fait que si tu lis pas les dialogues... C'est ça. Puis après, si tu lis avec ta voix normale plate, ben c'est plate aussi. Fait que tu sais, c'est comme organique, là, tu sais, ça vient naturellement. Mm. Ah ben là, tout s'explique, Anne-Marie. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a jamais de spectateurs. C'est que quand je stream, il y en a... Toi, Anne-Marie, tu lisais-tu les dialogues quand t'as streamé ton jeu de... Mais il est voice acté. Ah! Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça, par exemple, mais j'ai streamé Divinity Original Sin, puis il est pas mal tout voice acté. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est, imagine si ça l'était pas. Là, maintenant, faut que tu t'y mettes. Ouais. Je sais pas si je suis bonne pour faire des voix différentes, là, mais... Mais c'est là que je suis comme certains des YouTubers qu'on a vus qui amènent leur blonde puis qui font comme amène ta blonde, amène ton ami, fais des voix. On fait les voix. Quand Dodger elle joue à des visual novels, là, elle apprend vraiment des voix niaiseuses. Là. Elle apprend pas des voix qui ont l'air d'avoir là. Tout le monde sonne vraiment épais. Mais là, t'as pas le choix. T'es un visual novel, en plus, ça fait partie du fun, tu sais, ça vient avec. Faut là. Que ça soit kitsch. Ben, ouais, c'est ça. Faut que tu l'actes comme les... Faut que tu l'overactes. Comme les soap opera. Ben oui. Gisèle, vous m'avez trompé! comme le cœur a ses raisons. C'était un de mes rêves. Hein. Moi, je pense qu'on est dû pour faire un jeu avec un thème de soap opera. Oh! J'aimerais bien faire ça. T'as-tu vu le nouveau jeu de Kid Fox? Ah, ben oui, Boyfriend Dungeon. Ah, oui. Oui. Anne-Marie, elle arrête pas de nous en parler. Ben, je l'ai kickstarté, là, je suis trop excitée. Ça a un peu la vibe. Je l'ai playtesté un petit peu. Mais tu sais, ça a la vibe. C'est très hard, guys, dans ce genre de. Ouais, c'est ça, tu sais, slash visual novel, mais avec quand même un gameplay d'action le fun. Mais, j'ai hâte de voir ça, ouais. C'est vraiment pas l'aspect qui m'intéresse, là, le gameplay de donjon. Là. C'est le dernier aspect qui m'intéresse. Mais tu sais, j'ai hâte de voir. Là. Il faut que ce soit le fun, pareil. Mais je parlais beaucoup dans le... Tu sais, parce que j'ai testé un petit peu, mais il n'y avait pas encore nécessairement beaucoup de contenu. Là. Mais bon, tu sais, la variété des personnages, tout ça, ça a l'air intéressant. Mais non, il y a quelque chose de le fun qui est en train de se passer avec ce genre de jeu-là. Je pense juste à... Mon Dieu, comment ça s'appelle? Le Daddy Dating Sim. Là. Dream Daddy? Daddy, j'ai été vraiment impressionnée par la scénarisation de ce jeu-là. C'est drôle. J'ai pas joué encore. C'est sur mon backlog. J'ai pas joué tant, mais j'ai regardé des let's play un peu parce que je voulais savoir de quoi il s'agissait. Puis, tu sais, bon, quand tu checkes un let's play d'un jeu comme ça, c'est un peu excitant. Mais c'est bon. C'est drôle. C'est vraiment entertaining. Je pense que c'est bien ce qu'ils l'ont fait. Mais c'est eux autres qui l'ont écrit. Je sais pas. C'est une bonne question. Parce que, tu sais, c'est ça qui arrive avec les jeux d'influenceurs aussi, c'est que des fois, à quel point, tu sais, quand t'es cross-media, là, cross-platform, à quel point les gens sont directement impliqués dans le développement, tu sais, des fois, c'est comme... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est... En tout cas, moi, j'ai été agréablement surprise. Je trouvais que j'avais peur, justement, parce que moi, j'avoue que je suis pas tant feufée sur, tu sais, ma façon de jouer à certains jeux. Je pense que le jeu le plus dating sim auquel j'ai joué récemment, c'est... Oh my God, comment ça s'appelle ce jeu? C'est un jeu coréen sur mobile. Messenger. Yes. Mystic Messenger. Exactement. J'ai joué à Mystic Messenger. Oh my God! Ouais, ça aussi, j'en ai parlé, là. Moi, je trouve ça terrible parce qu'il faut que tu passes tes journées dessus, là. Hey, qui sont édits, tes boyfriends? Oui, mais là, j'ai pas rien que ça à faire. Moi, là, je travaille, là. Non, c'est ça. Je recevais des... Je suis pas capable. Mais je trouvais le concept vraiment bien fait. Ouais. Je trouve qu'au niveau du UI et de l'immersion, c'est vraiment bien fait. Mais c'était drôle parce que c'est ça, je recevais des messages. Puis là, mon chéri, parce que j'ai encore un message de mon boyfriend. Il s'est tellement aidé, il arrête pas de m'appeler. Écoute, c'est tellement drôle. Mais pour moi, il y a une dissonance avec ce genre de jeu-là. Je suis pas... tu sais, je joue pas vraiment des dating sims, des affaires comme ça dans la vie en général. Mais c'est pour ça que je trouve que l'espèce de patte un petit peu self-aware qu'il y a dans un jeu comme Dream Daddy, ou à la limite un peu... Tu sais, je sais pas encore beaucoup le contenu qu'il y a dans Boyfriend Dungeon, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu ce awareness-là. Ça, je trouve ça très, très savoureux. Très, très fun. Mm-hmm. Ceux qui ont fait... je sais pas pourquoi dans ma tête, les deux jeux sont liés, mais ça a peut-être pas rapport. Mais tu sais, le dating pigeon, là, que Primo appelle dating pigeon. Full boyfriend. Oui, ça. Mais ça aussi, c'est un jeu vraiment self-aware, là. Mais c'est-tu le même studio? Non. Ah, OK. Le jeu Hat a Full Boyfriend, ça fait longtemps. Ouais, je ben... Je sais pas, je l'ai pas encore joué, là. Il ils ont encore... sorti la version Noël, là. Il y a comme un DLC de Noël, là. Mais Game Grumps, ils ont joué beaucoup à Hat a Full Boyfriend. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont dû être très influencés par ça. C'était très drôle, d'ailleurs. Mais c'est vrai, je sais pas, je suis curieuse de savoir à quel point. Ça fait longtemps que je les ai pas écoutés, les Game Grumps, là, mais il y a un moment donné qu'ils sortaient beaucoup de... Ils jouaient beaucoup à des dating sims comme ça, puis c'était vraiment très drôle. Puis tu sais, d'habitude, leur comédie venait de la façon dont ils jouaient, puis tu sais, la façon dont ils interagissaient avec les mécaniques d'action. Mais quand ils ont commencé à faire des visual novels, puis faire des voix, puis des trucs, c'était vraiment drôle. Puis je pense qu'ils ont eu de l'audience là-dessus. Fait que je suis vraiment curieuse de savoir à quel point ça les a influencés. Après, j'allais voir et je les ai pas écoutés depuis 1000 ans. Ouais, non, bon, c'est pas mais je me rappelle qu'à peu près dans le même temps, là, il avait joué à Hat a Full, puis il avait joué à un autre jeu japonais de dating sim qui était comme un petit peu semi-sexy, tu sais, puis c'était super drôle. Ouais. Honey Pop, peut-être. J'ai vraiment beaucoup joué à Honey Pop. C'est pas sûr que c'était celui-là. Non, c'est vrai, ça passe pas. Il me semble que c'est quelque chose de plus obscur. Non, c'est ça, c'était pas, tu sais, t'avais pas de nudité, là, mais c'était tout le temps un peu limite, là, genre, tu sais, la grosse goutte de sang ou quelque chose. des filles un petit peu sexy, mais pas complètement. Ah, wow. Que de plaisir avec ces dating sims. Mais c'est ça, c'est ça le fun. Ah, ben, c'est juste drôle, là. C'est pas fait pour être pris vraiment au sérieux non plus, là. Ah, exactement. Peut-être plus Mystic Messenger, mettons. Ouais, puis moi, je pense vraiment que c'est un peu capoté. Ouais. Ah non, c'est bien trop d'investissement. Ça dure quoi? 11 jours? Je pense que j'étais genre tannée, là. Ouais, boutique, là. Puis qu'à un moment donné, quand les arcs des personnages commencent à se développer plus, puis que là, faut que tu choisisses, tu sais, lequel qui va devenir ton boyfriend un peu plus intense, là. Là, faut pas que tu le banques, là, parce que sinon, tu t'engages avec lui, puis tu vas pas réussir à ce que ça devienne ton boyfriend. Non, mais c'est ça, puis le pire, c'est que tu sais c'est quoi qu'il faut que tu répondes, mais en même temps, t'es comme « Ah, c'est dégueulasse, j'ai vraiment pas envie de répondre ça! » C'est trop cheesy, voilà. C'est trop laid. Comme quoi? Oh mon dieu. Ah, mais genre. Mais c'est comme. Tu sais, c'est un jeu, là. Fait que c'est comme. Faut comme que tu power game. Tu sais, c'est comme un peu gamifié. Faut min-maxer. Oui, c'est ça. Faut que tu min-max pour avoir comme la fin parfaite, là. Mais c'est tout le temps des maudites réponses de genre. Oh, mais. Tu sais que t'es mon amour pour la vie. Ah, moi, j'avais choisi. Fait que moi, celui que j'avais décidé de cruiser, c'était celui avec les cheveux blancs, là, l'artiste. L'artiste narcissique. Ah, oui. Je l'ai pas pris, oui. Moi, j'ai pris le petit gars trop facile. Ah, ouais, le non, c'est blond, là. Qui est juste comme le petit mode. J'étais pas capable. C'est malaise. J'ai dit, ça va être easy mode. Ouais, j'avais comme commencé au début, j'étais comme, parce qu'il est facile à minimiser, justement, lui, là. Fait que. Puis là, à un moment donné, j'ai fait un nom. Mais là, j'étais comme, oui, ok, tu sais, bad boy artiste. Mm-hmm, ça me tente. Il est pas de malsain, lui. Ah non, à un moment donné, ça devient... Parce que, tu sais, la façon de le séduire, lui, c'est d'être tout le temps en train de le flatter, tu sais, puis de dire à quel point qu'il est donc ben bon, puis fantastique, beau. C'est vrai. C'est insupportable. Mais ils sont tous un peu de même, tu sais. Il faut tout que tu es frère dans le sens du poil, puis que tu sois donc ben une bonne girl. Oh mon Dieu, non, c'est... J'ai pas de la misère avec ça. Mais je comprends aussi, tu sais, j'en connais des filles qui jouent à ça, puis qui trippent bien gros, puis... Je comprends comment ça peut devenir quelque chose de... Tu sais, je pense que ces filles-là ont quand même le détachement, mais elles sont quand même capables de rentrer dans la game, justement, tu sais, mais... Oui, c'est ça. Moi aussi, je connais quelqu'un qui est vraiment accro, mais c'est justement comme de tout découvrir, là, genre avoir les fins avec tout le monde, puis découvrir toutes les lignes de dialogue cachées, puis... Fait que ça devient vraiment un jeu dans le sens que, tu sais, essaie de le compléter à 100%, là. Ça a l'air de rien, là, mais ça... Ouais. ça vient chercher le côté completionniste, là. Ah, absolument. Puis il y a du contenu dans ces jeux-là. Là. Il y a... Oui! Si tu manques rien, là, il y a du stock. Là. Si tu manques pas d'appel, pas au beau milieu de la nuit, là. Ça, je pense qu'ils font attention. Là. Mais crime, ils commencent de bonne heure le matin puis ils finissent tard le soir. Là. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Ça... Tu sais pourquoi je suis pas bon dans les dating sims? Quand j'avais joué à Mass Effect 2, genre j'avais eu comme aucun bon ending, aucun truc de bien. Parce que moi, j'étais comme, non. Moi, je réponds ce que ça me tente de répondre. Je vais pas le min-maxer. Je vais pas flatter personne. Mais c'est ça, tu peux pas être subtil, tu sais, dans des mécaniques non. Comme ça. C'est le cas. Tu sais, parce que là, c'est ça, au début, tu es comme, ben, je vais être flirty comme je suis flirty dans la vraie vie. Tu sais, puis je vais. Mais non. Faut juste que tu ailles bien, bien basic avec ce que tu. Mais moi, ça me rappelle que ma première expérience de dating sim, c'était Harvest Moon. Ah oui, mais il y a ça là-dedans, c'est vrai ça. C'était pas, il y en avait des touchés, mais je me ramassais toujours avec la bibliothécaire, par contre, faut croire que c'était le destin. Mais elle était comme, elle était facile à min-maxer, elle aussi. Il fallait juste que tu y amènes un gâteau, puis elle avait tellement pas de self-esteem. Oh, c'est si triste. Celle qui était la plus tough à voir, c'est la fille qui tenait le bar. Parce qu'elle, elle s'en laissait pas imposer. Tu sais. Ouais, c'est ça. Elle en entend tous les jours du monde comme toi. C'est ça. C'est bien drôle. Je pense que c'était à l'époque où Harvest Moon, tu pouvais juste être jouer un gars qui. Ah, ben oui, bien sûr. Qui date des filles. Ouais. Qui avait l'air un petit peu de Ness. Hein? On parlait de Earthbound tantôt, là, qui était comme un petit gars avec un petit chandail rayé et une petite casquette. Là. Ouais. c'était comme weird parce que tout le monde avait l'air d'un enfant dans Harvest Moon parce que c'était comme tellement cute. Puis à un moment donné, t'avais un bébé puis là, ça devenait vraiment cool. Ouais, mais beaucoup de jeux japonais sont comme ça. Genre, yo, les gens ont jamais l'air adultes. Non, c'est ça. Mais là, les proportions étaient vraiment chibi aussi, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Puis au début, il est comme... puis il a son petit sac à dos, puis tout. Puis il arrive, puis... Puis là, maintenant, tu te rends compte qu'il joue dans un monde de grands. C'est pauvre. Oui, c'est ça. Mais là, tu joues-tu à... le jeu d'Harvest Moon, là? Pas Harvest Moon. Stardew Valley? Oui. Je l'ai dans mon backlog de Steam depuis tellement longtemps, là. Watch out! Mais il paraît que c'est aussi, c'en est un qui risque de briser mon cerveau avec son flow. C'est clair. Oups. Ouais. Ouais. Je n'ose pas. Ouais, non, je n'ose pas cliquer sur play. Ça, c'est pire, là. Dit la fille qui a joué 50 heures en genre 3 jours. Comme cet été, là, on s'est fait une fin de semaine de Stardew Valley. Quand le co-op est sorti, là. Ouais, peut-être ça, 50 heures en 3 jours. Genre. Ça n'a pas d'allure. Mais. Le flow est vraiment le fun, par exemple. Mais c'est cool! J'ai jamais vu la fin, là, mais comme c'est un jeu, tu sais, l'histoire qui est comme au-dessus de tout est pas vraiment. Ben, j'ai pas joué beaucoup à un vrai Harvest Moon non plus, là. Mais l'histoire qui est comme autour est pas vraiment envahissante. Fait que, tu sais, je pense que tu peux juste jouer un peu, puis arrêter, puis avoir été heureuse de ton expérience aussi, là. Fait que. Comme il n'y a pas comme, tu sais, des jeux que je me dis, il faut vraiment que je le finisse, il faut que je voie la fin, là. Mais comme ça, je me dis, c'est pas si pire que ça. Tu sais, je me suis rendu loin, puis j'ai daté du monde, puis. C'est ça. C'est la vie in a nutshell. Je me suis rendu loin, puis j'ai daté du monde. si je peux me dire ça, sur mon lit de mort. C'est dans le écrit sur ta pierre tombale. Je me suis rendu loin, puis j'ai daté du monde. C'est ça. J'aime ça. Bon plan, ça. J'aime ça. Ouais. Mais je le recommande de l'essayer, là, parce que c'est vrai que le flow est le fun. Là. Mais c'est cool parce que c'est quelque chose dans Harvest Moon qui était pas parfait, ça. Puis c'est quelque chose qui faisait en sorte que j'ai pas nécessairement. Parce que c'était aussi un peu précurseur à ce genre de notion-là, là, parce que tu avais des waiting times, tu sais, tes trucs devaient pousser, puis tes. Ouais. Mais t'as toujours de quoi à faire dans Stardew Valley, je pense que c'est ça l'avantage, là. C'est que t'as plusieurs. Ouais, c'est ça. Puis à plusieurs, ce que j'ai remarqué, j'ai des amis qui trippaient moins tout seul, puis à plusieurs, ben là, tu peux faire une séparation des tâches. Donc, c'est vraiment une tâche que toi, t'aimes pas ça. Genre, mettons, pêcher. Toi, ça te fait chier. Mmh. Mais tu te mets avec quelqu'un qui adore ça. Fait que lui, il pêche, puis toi, tu fais le reste. Puis, ouais, tu peux ségréguer un petit peu, là. Ouais, c'est cool ça. Ouais, non, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'ai pas joué d'ailleurs non plus à Don't Starve Together, puis ça, c'est un autre truc. Ah oui, en plus? En plus, t'as pas joué. Ouais. Mais je sais pas, je me demande, c'est ça, ces jeux-là, d'habitude, moi, je suis bien solo player, fait que je me demande beaucoup comme quel genre d'expérience ça va être, justement, quand je vais avoir quelqu'un avec qui partager toutes ces tâches-là, puis comment le flow va réagir à ça, parce que c'est pas facile, ça, tu sais, de balancer un flow puis une progression avec deux joueurs dans un monde où il y a comme tout le temps quelque chose à faire. Ouais. Surtout si t'as joué beaucoup, puis que là, tu connais tout, puis que là, t'as un autre joueur qui joue pas comme faux! Ouais, c'est ça! Oh, ben là, tu joues pas comme faux! Pourquoi t'as ramassé ça? C'est cursed! C'est obvious! Ah, c'est clair. C'est moi qui sais pas jouer. J'ai joué juste un petit peu à Dawnstar, puis je trouvais ça trop stressant, puis trop... Moi aussi. Ouais, Moi, j'ai vraiment des grosses opinions académiques sur Dawnstar aussi, mais c'est drôle parce que moi, je suis quand même gamer qui n'est pas nécessairement si persévérante devant l'adversité. Oh, mais des fois, quand on aime quelque chose, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a quelque chose dans Dawnstar qui fait que, je sais pas, ça m'a accroché. Puis le fait, tu sais, au début, je me suis quand même fait ramasser solide. Mais c'est drôle parce que justement, je parlais avec quelqu'un récemment. Puis, tu sais, la notion au début que tu fais comme, yes, j'ai survécu 3 jours. Puis j'avais une amie qui disait, ouais, mais là, tu peux pas survivre plus longtemps que je sais pas quoi. Puis je disais, moi, je suis dans une session où je suis à 80 jours, genre, quelque chose de même. Oh my God. Puis, tu sais, il y a comme une progression qui est naturel à un moment donné, tu sais, puis il y a bien des trucs qui me faisaient peur, puis j'étais bien check-in, puis là, je suis rendue plus... Fait que j'ai comme... j'ai évolué avec la progression de Don't Starve. Ta compréhension du jeu qui... Mais je comprends en quoi... Tu sais, Don't Starve, ils font vraiment des belles choses au niveau de l'horreur. Tu sais, ce qui est drôle, parce que c'est pas censé être un jeu typiquement d'horreur, mais... Ça me faisait trop peur. Mais Colin, que... Hey, non, tu sais, quand tu commences à avoir moins de sanity... Le soir, oh my God! Oh my God! C'est un petit jeu en 2D, en plus. Shit, là. Non, c'est quelque chose. C'est pas supposé faire super peur. Ouais, mais pourtant, ouais, c'est assez terrifiant. Hey, quand t'as plus de lumière, là, t'es assez terrorisé. Oh my God! C'est comme si le point de vue, genre, c'est pas en première personne, là. Fait que t'es pas supposé à te voir comme la chienne pis des choses qui te sautent d'en face, tu sais. Mais non, c'est terrifiant. L'expérience est super bien craftée. Non, c'est ça, tu sais, le moment de panique, tu sais. Pis quand, justement, tu sais, t'as pas faim, ton health est parfait, mais tu sais, t'as presque pas de sanity, pis là, il y a des monstres partout, pis là, t'es comme, oh shit, ça va mal, ah, faut que je. Tu sais, ils réussissent bien à créer cette espèce de moment de désespoir, de ça va mal, tout peut se revirer sur un 10 cents. Non, c'est vrai, c'est super bien fait pour ça. Là, on jase bien trop. Yes. Ça devient un problème. Cet épisode va durer 4h30. Au point où on en est. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait continuer pendant encore 2 heures. Va falloir te réinviter, en fait. C'est ça, le plan. Ça serait ça, le plan. Quand tu veux. D'habitude, on fait les mots de la fin, mais là, j'ai l'impression qu'on a vraiment dépassé beaucoup. À moins que vous ayez des petits mots de la fin, vraiment petits. Moi, j'en ai pas particulièrement. Ben, c'était vraiment le fun. Ben oui! Oui, ben c'est ça. C'était vraiment cool d'entendre parler de tout ça, là. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité. Et donc, pour ceux qui ont aimé cette émission... vous pouvez vous abonner. On est sur iTunes et YouTube. Vous avez juste à aller sur onajustunevie.ca pour avoir les liens. On est sur Twitter et Facebook, évidemment. On est distribué sur l'entredugeek.net. On a aussi notre canal Discord. Le lien est aussi sur notre site web. Si vous voulez nous écrire des emails, hein, parce que tu peux nommer toutes les choses technologiques, mais on peut aussi nommer des choses... du passé, tels que des emails. info@onajustunevie.ca. Merci, gros merci à notre invité encore, André de Cardboard Utopia. Merci à Anne-Marie d'avoir été là. Plaisir. Merci à Blob qui était là tantôt puis qui est parti se coucher. Bonne nuit, Blob. Et c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine parce que. On a juste une vie. Ah non, moi, ça a été seamless, là. Je pensais que... Ouais. On avait de l'air professionnel. Mais hein, c'est sûr que c'est mieux que la fois qu'on était sur un stage puis qu'on s'entendait pas, là. Oh non, rappelle-moi pas ça. Ah non, je me sens tellement mal à cause de ce chat-là. Moi, je me rappelle encore de la première fois qu'on a reçu un invité au podcast en 2013. Ça, je sais pas vrai. Ah non, on avait reçu les gars de Barnac. Ah! Puis, non, je savais pas que ça faisait longtemps de même qu'ils étaient en business, eux autres. Je pense qu'ils venaient de présenter un de leurs premiers trucs. À feu le MRGS. Puis là, j'étais comme genre. Ah, c'était dans. Oh mon Dieu, c'était dans le temps que MRGS était au Phoenix, au Royal Phoenix. J'étais allé les voir, puis j'ai fait comme. Hey, on fait un podcast. Ça vous tente-tu? Votre jeu a de l'air weird. Ça vous tente-tu de venir au podcast? Puis j'avais ouvert l'entrevue en parlant de philosophie. Puis là, il a fallu que Gab, qui était un ancien chroniqueur du podcast, il fait comme yo, narf! C'est quoi ça? Genre, tu peux-tu commencer avec t'es qui pis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non. Comme question. J'ai fait oui, peut-être que je pourrais. Alors, j'ai appris la leçon. Et là, toutes les autres entrevues, je commence en me demandant t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour apprendre son craft.